Clément. C'est bon. Bonjour et bienvenue dans cet épisode hors série de la saison 7 de Road to Hello Kitty. Là, tu feras un montage. Jamais de la vie. Ok. Donc l'épisode 2 de Road to Hellfest. Mais non, mais putain. Mais merde. On est pas au Hellfest là, qu'est-ce que tu fais? On recommence. On commence, ok, d'accord. Alors. Bonsoir et bienvenue dans cette deuxième journée de Road to Hello Kitty. T'es con ou quoi? J'ai fait exprès. Oh. C'est pour ça que je t'ai répondu premier degré. Grave Zeppelin, bien sûr. Ouais, oui, c'est bien. Bonne image. Donc on est arrivé pour la deuxième journée du Grave Zeppelin, pour la soirée ou la journée Dark, qui vient bien donner son nom à cette édition, la Dark Edition. Dark Days. Dark Days, oui. Album de Cool Chamber. Pour voir quel groupe tenaille. Oula, il y en a pas mal. Ok, putain. Alors il y a Silhouette. Non, on les dit dans l'ordre, on les dit pas. Oh. C'est un métier. Alors dans l'ordre. Allez. Bien Seb. Ouais. Depressive Witches. Ah, Oul derrière. Ouais, ah, okay. C'est tôt, ouais. Ah ouais, je les aurais vus un peu en fin de set. Drenai, Ewar et Silhouette. Et après en dernier, on a Sorti du public. J'adore ce groupe. La 8, j'aime bien. Ça sera une découverte, tu vois, j'ai oublié de le mettre dans ma playlist celui-là. De quoi ? Sortie du public. Très bien. Et donc, comme vous l'entendez, il y a un tout petit peu moins d'énergie qu'hier. Ça va venir. Par exemple, Bob est. On vient de sortir d'un barbecue déjà. Bob est en mode Red Bull. Non, je suis en mode sortie d'un barbecue en fait. Ouais. C'est fou, hein. C'est ce que j'avais annoncé. Je l'avais annoncé ou pas ? J'avais dit quoi ? Du coup, on aurait dû faire une diète. Non, toi t'avais dit qu'on allait arriver à plat. Bonsoir et bienvenue dans l'épisode, mais après. C'est long. Ouais, non, c'est vrai. Non, ouais, c'est vrai que j'ai dit ça. Ouais. Non, mais j'avais dit un barbecue, c'est compliqué, les gars. Faut revenir, à se remettre dedans. Ouais, dans une demi-heure, on en reparle. On va t'inquiète. On allait bouffer une penotaise avec des knackis, par exemple. Et réchauffer. On prend le pouls de tout le monde. Toi, Tonaï, tu te sens comment? Légère digestion. Ouais. Hein, première petite bière. Ouais. On va aller au village et ça va bien se passer. Ça va bien aller. Mais donc pas beaucoup d'énergie alors. Si, là les piles sont en train de monter là. Ouais. Je suis en plein regain. Bon, je sais comment on va te remotiver. Tiens, attends. Hop. Et toi Parsi, comment tu te sens? Écoute, ça va plutôt bien. Ouais. Une bonne petite soirée hier, bien dormie, bien remise, donc tranquille. Même pas mal à la tête ce matin, donc ça va franchement. Non. Non, vraiment, très bien. Tu peux. Okay. Non, vraiment bien. Parfait. Bah non, mais c'est vrai. Et toi Seb, comment ça va après à découdre ou à en découdre au choix? Ouais, coudre ou découdre, selon. Tu t'es bien reposé toi? Ouais, super bien dormi. J'ai une très belle chambre d'hôte. J'ai des petits gens que j'ai croisés comme ça par hasard sur le graphe. Des gens simples. Une bonne soirée hier. Ouais. Une bonne fin de soirée hier. Ouais. Après j'ai un gros dodo. J'ai cru entendre 2-3 préparateur. Trucs. Une bonne matinée, un bon barbecue et on est reparti quoi. Bon, bah, très bien. Étienne, toi qui n'as pas passé une super soirée hier. Étienne, la knacky. Moi c'était knacky, surtout knacky. Oh, vous avez bien dormi? Est-ce que t'as plus hâte des groupes d'aujourd'hui ou t'es un peu dans le même mood en mode allez je me barre? Oh, ça va être, je pense, plus intéressant pour ma part aujourd'hui. Ok. Et donc là, t'es... Je connais aucun groupe, donc c'est la découverte totale. Toi, ouais, t'es... Ouais, j'ai pour ça, moi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. En première. Sachant qu'il y en a deux que tu peux revoir au Hellfest. Oui. Donc, et je sais plus qui est. Oul. Exactement. Ouais, tu vois, t'écoutes. Bien. Mais à voir si comment ça correspond au Ring Rider, non. Ok. Je sais qu'il n'y a pas Avenger en même temps, donc déjà, c'est bon. Ouais. Allez, ça part. Très bien, merci. Et toi, Bob, au terme d'énergie, en descente de... Eh ben, moi, ça va super. Bien dormi. Esprit ouvert. Non, bah très bien, écoute, moi je suis un peu naze, hein, c'est sûr, mais voilà, comme je dis, on a sorti une petite barbecue, on a remis un petit peu ça gentiment, couché tard, levé un peu tôt, bonne petite soirée, l'esprit ouvert. Viens, on va et aller toi, voir. Jacques. Je suis un peu fatigué, un peu éteint, mais c'est plus parce que techniquement c'était la merde. Ah oui. Fait chier les photos, tout ça. Mais oui, allez. La tapisserie ça fait chier. Allez viens, on va aller voir un peu ce qu'il y a en monde. Alors, en gens présents. On va est-ce voir s'il y a des gens présents. On va voir. Il y a l'air d'avoir pas mal de voitures par là. Il y a déjà, il y a plus de camions qu'hier déjà, on peut déjà, se rendre compte. Il y a une espèce d'ambiance quand même un peu calme, les gens ont l'air... c'est plutôt calme. Ouais, ouais, ça a l'air de vouloir se mettre bien. Il y a quand même, c'est, il y a quand même beaucoup de camions aménagés et de vannes. Hein. Ça, vrai, on est vrai. Quand même un petit peu sur, sur une espèce de... Hein, de genre, ah, les gens, ils viennent pour faire dodo, quoi. Ah, ah. Oui. Ouais, oui. De jolis mulets. Les jolis mulets, les fameux jolis mulettes. Tout il y a ah, ils n'ont pas de voiture aménagée, ils viennent de s'en rendre compte. Exactement. Merde, on n'est pas et aménagé. Ça, ils sont en train de pleurer. Ah, ils se disent, mais où est-ce qu'on va dormir vu qu'on n'a pas aménagé notre tente. Ce petit camping, il oh, bah, ah. y a un petit peu de monde quand même. Hein, ça ouais, va. Bon, c'est gentil, ça n'a pas l'air ouais, tant c'est que gentil. Ça. Hein. Bah, écoute, au moins, ils sont tranquilles, ils ont pu s'installer où ils voulaient. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est déjà ça. Il y avait ce côté-là. Ouais, ouais, non, non. Bah, après, il a l'air tranquille. Je ne sais pas comment il est... Il est... Ah, il y a des toilettes. Ah, tu vois, il y a quand même des toilettes ouais, sur le... C'est bien foutu, quoi. Qui dit toilette sur camping dit mieux que le motoc. Ouais. Déjà. Déjà. Ça fait déjà deux chiottes de plus. Quoi. Ah ouais, mais tu vois, par exemple, il y avait un van qui était là hier. Alors, soit ouais, ils leur ont demandé bon, de le déplacer, soit il est parti. Avec, ah, il est tu... reparti avec son... sa charpente. Ah, il est reparti avec tout. Il avait ouais. bien volé une charpente, on ouais. l'avait bien dit. Et tu vois, regarde, le Lidl, ça fait un petit bout quand même. Bah ouais, ça fait une petite trotte. Ouais, ah, ouais. Bien joué. Hein. Je te proposerais pas d'y aller. Ça non, voilà. Est-ce que ce serait vraiment raisonnable? Est-ce que ça serait le mot? Je ne sais pas. Est-ce qu'on a besoin d'y aller? Non, bah, il y a pas d'autres bières apparemment. Là, on a plus. Ah oui. Là, on a que les bières de Seb à l'unité, les petites, les petites, comme donc on dit. Tu trouverais ça peut-être pertinent de, c'est de pas faire un saut? Non, non, parce qu'il y a aussi quand même beaucoup de capsules de tenaille. Donc, c'est vrai, c'est vrai qu'il a dit qu'il nous paierait des. Et puis, des... est-ce qu'on est vraiment obligé de se mettre une misère? Il y a le bourbon aussi, hein. Il y a le bourbon, tout à donc, fait, c'est vrai. Non, c'est ça vrai. Va aller. En tout cas, pour cette deuxième journée, on va quand même aller faire un tour au village. Eh on ben, a la partie qu'on n'a pas vue hier. Hein. Et puis, on va vous tenir au courant un peu de ce qu'on va faire dans la journée. Tout à fait. Tout à fait. On risque d'aller voir des concerts. Ah, c'est une catapulte qu'on voit là-bas Une catapulte ou un trébuchet? Ah, peut-être, ouais. C'est peut-être un trébuchet. Un hein. trébuchet, peut-être. Hein c'est un trébuchet. C'est un trébuchet. Hedge of Empire. Nous avions confirmation. Bah. Donc voilà, le camping a l'air peut-être moins rempli qu'hier. Il n'y a pas grand monde là-bas. Par contre, il y a beaucoup plus de camions et de vannes. Ouais. Bah, genre le gars à la charpente, il est plus là. Bah, on sait ce qu'on s'est dit. Ouais. Ah, bon. Donc on va vous laisser là pour le moment et on vous reprendra plus tard si on a des choses tout dire. Autant pertinentes. On va commencer à visiter le village. Oui, on va pas tarder. On va pas tarder. Hein, on va pas tarder. Mais c'est pas dans le village la carte mancie. Non, non, mais bon, c'est des choses à aller voir aussi, je on pense. On va aller voir ça, effectivement. Tout à fait. C'est vrai tu voudrais te faire tatouer RTH. Ouais, RTH. Forever. Non, je réfléchis encore. D'accord. Ok, bah. On... Ok. J'attends. Ok. Alors, surtout que je voudrais pas avoir un tatouage alors que je suis peut-être viré dans pas longtemps. Non, t'es déjà viré, c'est la date, d'accord, car, mais okay. techniquement. Ah, oui. Bon, bah, je vais réfléchir. Allez. Au revoir. Au revoir. Donc on vous reprend tout de suite, on a fermé la voiture, pris nos affaires et nous sommes partis en direction du village. C'est village quoi? C'est village viking ou pas? Il a un nom ce village? Alors c'est un village où on peut y trouver moult et moult petites animations. Ouais, c'est ça, ouais. Ça on l'a déjà dit hein, hier. Hop là, bonsoir. Les Allemands, ça va? Les gens ouais. sourient. Les gens. Bonsoir, bonsoir. Attention, il y a un creux, fais gaffe. Ça, c'était un trou. Attention. Voilà. Alors, n'oubliez pas, parce que tous ceux qui veulent s'adresser la parole pour qu'on les entende, on a deux micros. Hein. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Oui, donc on se dirige vers ce village mi-viking, mi-molette. Exactement. Et on va enfin pouvoir vous dire. Ah, il y a l'air même d'avoir des nouveaux trucs. Ah, mais commencez pas à vous énerver, les gens. Bonsoir. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Attends, Bob, pars pas tout seul. Non, bah non, mais en fait, je teste la distance entre les. Mais tu parles pas. Ah, bah oui, c'est ça. Oui, c'est vrai qu'il faut parler pour tester le son. En fait. Là, c'est le concept en fait. C'est mieux, c'est mieux. Et normalement, ça a marché. Hein, normalement, j'ai pas pu checker tout, mais normalement, ça a bien enregistré. Ok, d'accord. Ah, attention, il y avait une marche. Oui. Parce que, c'est le problème, au bout de 14 pintes, tu ne vois plus les marches. Bon, alors, le truc du sida, ça, on l'a vu. Et qu'est-ce qu'on a dit Qu'on n'a pas envie de l'avoir. Ah non, bah que je l'ai. Pas, moi je sais. Oui, tu l'as pas. Moi je sais que c'est je l'ai pas. Vrai, alors on va pouvoir aller voir les autres petits. J'allais dire magasin, mais c'est pas ça le mot. C'est quoi? Tout à fait. Stand. Tiens, voilà. Ah, donc là ça tu connais? Bah oui, après c'est de la fabrication de bijoux. Ah c'est oui, ouais, c'est un peu votre style ça, vous, le sens du bois là. C'est comme ça que ça s'appelle? Tout à fait. Ah. Tu crois c'est mieux? Eh ben approchons-nous un petit peu. Allez, approchons-nous. Bonsoir. Bonsoir. Hmm. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre stand? Parce qu'on va forcément moins bien le dire que vous. Bonjour, qui êtes-vous? Alors moi je suis Marine et... Bonjour Marine. Merci. Bonjour, bonjour Marine. Bonjour à vous. Bah moi j'ai créé Fantasy Factory, donc mon entreprise, il y a quelques mois. Bon, ça fait longtemps que je crée, mais pas si longtemps que ça que je vends, parce que passer le cap c'est toujours un peu compliqué. Et puis je travaille plusieurs matières, donc je fais de la résine. Je travaille le cuir et le micro-macramé. Donc voilà, donc je fais des créations avec des pierres naturelles, des fleurs, enfin pas mal de choses issues de la nature finalement, puisque le cuir c'est naturel aussi. Donc, Et tu vends principalement ou tu t'exposes dans des festivals de musique ou aussi ailleurs, genre des festivals de... Festival aussi d'art, je fais en avril un festival d'art et puis sinon dans des boutiques des créateurs, des choses comme ça liées à l'artisanat, à l'art et puis voilà, donc là, la musique c'est de l'art aussi, donc je suis là. Et t'as une boutique en ligne, on peut commander par internet? J'ai pas encore de boutique en ligne, mais je passe pas mal de commandes personnalisées avec les personnes, puisqu'en fait, vu que c'est de l'artisanat assez fait main, et bah, du coup on peut faire ce qu'on veut, comme on veut et voilà. Et tu es sur les réseaux? On peut te retrouver sur tous les réseaux? Instagram, Facebook, j'ai un mail, un téléphone, tout ce qu'il faut. Et tu peux nous redire le nom qu'on puisse partager après ta page sur nos réseaux? C'est Fantasy Factory. Fantasy Factory. Ouais. Puis j'ai une petite carte. Ah, où est-elle? Juste là. Ou ah oui, ah tout à fait. Bah écoute, je t'en prends une et on part. Oui, non, non, mais très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci, merci à toi. Bonne journée. Bonne journée. Merci. C'est très joli, hein? Ouais, c'est beau. Et même, c'est beau, c'est beau. On pourra donc partager les autres, les pages de tous ces créateurs et de gens qui font des choses. Tout à fait, parce que c'est vachement bien de faire des choses. C'est quand même vachement pas mal. Oh là là, il y a beaucoup de très jolies choses là. Ah ouais, ouais, des très jolis crânes. Et ouais, c'est pas, et c'est un peu ça. Ouais, parce que comme il compte changer encore pas, il compte encore changer pas mal de monde. Ouais, non mais c'est, ouais, c'est vachement sympa. Je vois. Ça fait un peu penser à ce que proposait Blaze. C'est vous Marc Rigaud? Ah, pas l'air facile, hein. Ouais. Ah ouais. On peut comprendre, on peut comprendre. Non, regarde, hop. Ah, ça me met... Mais ta tête me dit quelque chose vaguement. Bonsoir. T'as pas travaillé sur une entreprise de Saint-Lô qui faisait du camion? Voilà, c'est ça. Donc c'est bon, je te remets. Voilà, et du coup maintenant t'as ton compte? Eh, hey, ça marche bien? Attends, hop, tiens, je te donne. C'est un peu tendu, mais bon, je me fais plaisir, c'est le principal. Et tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais? Eh ben, je fais de la sellerie, sellerie automobile, de l'aviation, tout ce qui est siège, ouais, tout ce qui est siège et tout ça. Et à côté de ça, bah, je travaille le cuir. C'est à toi que j'ai acheté ça l'année dernière. Ouais. Ah ok, bah très bien. Bah écoute, c'est plutôt pas mal, hein. D'accord. Mais tu n'acceptes pas les cartes bleues, par contre. Ouais. Ouais, non, bah, personne n'est parfait, hein. Personne. Eh ben. C'est bien joué. Eh Tonaille, toi qui voulais un porte gobelet. Là, celui-là, il pètera pas, celui-là. Bah merci beaucoup, hein. Et excellent, la sacoche. Ah bah tiens, bah là c'est toi qui connais. Bah non, non, mais non, tu connais. Mais tu te débrouilles. Mais je ne sais pas faire. Bah non, mais tu vois, je suis très très nulle. On connaît déjà un petit peu. Donc de souvenir, on s'était rencontrés à Bring the Mosh à la base, et tu nous avais dit donc que du coup t'exposerais au Grave Zeppelin et que tu avais lancé ton entreprise du coup, je sais plus trop quand. En février. En février, ouais, du coup, c'est... Alors, le nom de ton entreprise? Au fil de la bohème. Ok, et donc, qu'est-ce que tu fais? Bah, moi, je propose des vêtements et accessoires textiles. Je fais aussi des confections de robes de mariée, des confections sur demande, des retouches, des cours de couture aussi. Ouais, c'est cool. Ouais. Et voilà, tout dans un esprit un peu bohème, rock. Ok, voilà. Ouais, un mélange de plein de choses, en fait. Ok. Ton univers. Ouais. Ouais, c'est très joli, très sympa. Et du coup, ça a bien fonctionné sur le festival? Oui, ça va. T'as des bons retours? Ouais, bon, bah, Après, c'est surtout qu'il faudrait que les gens ils viennent jusqu'au village. Quoi. Ah, ouais. Hier, pendant les concerts, on espérait que les gens viennent plus ici, mais en fait, ils restaient entre la salle et la buvette. En fait, et on était, c'est vrai que vous êtes un petit peu excentré du truc. Quoi, du coup, ça, ça c'est le pas. Seul truc qu'on aurait à redire, sinon après, l'ambiance est là. Ouais, tu rencontres des gens sympas, j'imagine. Alors, mes camarades me demandent, qu'est-ce qu'un bloomer ? Un bloomer, c'est une petite culotte bouffante pour les enfants, les bébés. Ouais. C'est pour l'été. Attends, c'est marqué 6 de joie à 24 mois, donc ça risque pas d'être pour vous. Moi, j'ai vu le mot, il m'a demandé. Voilà. Bah voilà. Et toi, tu es un boomer. C'est ça l'idée. Un noir avec le boomer. Voilà. Ah, il y a quand même une vraie confusion. Bah, je te souhaite des bonnes ventes. Bonne fin de festival. De bons échanges. Merci beaucoup. Je vois que vous avez eu vos badges Hello Kitty, c'est bon. Oui, t'as vu. Ouais, ça y est, on les a eu, c'est bon. Total. Ça a déjà été dit, mais ce sera redit. Ouais, t'as pris le petit flyer, c'est bien. Comme ça, on pourra repartager. Merci beaucoup. À plus tard. Merci à vous. Salut. Rends-moi mon micro. C'était très bien. C'est très bien ce que tu as fait. Mais oui, c'était très bien. Mais oui, c'était très bien. C'était très bien. C'était parfémonie. Ouais, parfémonie. Ouais, tu peux même te le passer en boucle. Donc voilà. Alors. Ah donc, bah oui. Hein. Donc alors, on a fait. Bah ça y est là, on a fait le tour du truc. On pourrait éventuellement aller au bar et leur demander ce qu'ils font. Venez gagner un Solex. Qu'est-ce que c'est que cette connerie de Solex? Il est con lui. Ah ouais, il y a des jolis Solex qu'il n'y avait pas hier. C'est vrai. Ah, et je vois une grande expo de Solex. Il y a des gens. C'est des gens qu'on connaît ou pas? On fait des signes. Ouais, des gens, des vacanciers. Tu feras attention, t'as encore une bière à la main. Hein. Oui, bah ça va venir, bien sûr. Ça va venir. Ça va venir, on va y aller. Alors, ne vous inquiétez pas. C'est prévu, hein, c'est sur la route. Donc là, on peut. Non, ça, on l'a dit. On peut gagner un Solex. Hein, attends, parce que. 3800 et il me boule, mais ne me boule pas, mec. Attention, ne bouge surtout pas, il y a un Solex derrière toi. Je ne bouge pas. Ne bouge surtout pas. Ah oui, mais c'est même pas. C'est un Solex pour enfants. Les Solex du donjon. Mais n'importe quoi. Mais vraiment. Là, vraiment, on est vraiment sur des trucs. Ça dépasse tout l'entendement. Là, on est arrivé à un niveau. Des Solex. Il est parti où, Tonaï? On a perdu Tonaï. C'était Guigui sur son Solex. Donc, gagner un Solex et 3 euros le ticket à 50 ans si t'as pas ton Solex, tu as raté ta vie. Alors, en vrai, il a pas tort. Quoi? Mais t'as pas encore 50 ans. Et t'as pas de Solex non plus? Ah non. T'as raté ta vie. Tu n'as pas encore 50 ans, donc. Les deux. Voilà. Je préfère te le dire maintenant. Non, t'inquiète pas, tu as le temps. Alors. Ouais, on n'a toujours pas lancé la hache. Hein. Non, c'est vrai. Mais où est Tonaï? Il est parti parler là-bas. Mais où est Tonaï? On a perdu Tonaï. Bon, bah écoutez, je crois que. Temps de dépistage. Donc. Ah, bah voilà. Ah, c'est ça. C'est vrai, il est là-bas pour de vrai? Regarde. Mais qu'est-ce qu'il fout là-bas? Ah, attends. On va dire bonjour à Harold quand même. Bah, bien sûr. Bonsoir. La nuit fut pas bonsoir. Trop difficile. Ça a été? Non, bah il rattaque, t'as vu? Bah, il se laisse pas mourir, attends, Là, c'est le petit déj, là, tu vois. Bon, bah, je pense que là, c'est bon pour l'instant. Hein. Pour l'instant. On a refait un petit tour et puis on va. Ouais, sinon, il y a les Atomic Riders. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, encore. Ouais. Ah, tu veux aller parler avec les électro? Ah, allez, non, moi, ils sont loin. Ils sont à quoi? 5 mètres, c'est loin. Et... Je vais y aller de manière parce que j'ai un pote là-bas à dire bonjour. Mais Ah, bah voilà, bravo. Mais on verra après, on verra si on en reparle après. Tout à fait. On s'arrête là. Mais oui. Mais on va aller prendre une bière. Mais voilà. On va rechoper Tonaï, on va prendre une bière et on va aller voir les bikers. Bah, on va voir si le dépistage a fonctionné. Ah mais oui, c'est ce qu'il fait. Bon, on va aller voir. Dépistage, tout à fait. Allez, à plus tard, les gens. Et j'ai l'impression qu'il manque une charpente. Hey. C'est l'histoire d'hier, ça c'est très rigolo. Alors, je nous entends un peu moins, j'ai l'impression, est-ce que c'est à cause du vent? Alors vas-y, parle Tonaï. Hey. Ouais, c'est un peu. Bonsoir, nous sommes de nouveau. Toujours samedi. Nous sommes toujours samedi, mais de nouveau en direction du Lidl. Après un constat dramatique. Aïe. Il n'y avait plus de bière. Et Parsi qui chiale parce qu'on lui remplit son verre. C'est ouf. N'oubliez pas que c'est du bon. C'est surtout qu'on a dit qu'on faisait un clink-clong à chaque fois entre chaque concert. Ah bon, on a dit ça? Bah moi je le dis, tiens, allez, on fait un clinklong. On l'a déjà fait d'ailleurs. Attends, bah attends. Mais on aura plus de quoi faire de clinklong si on va pas à Lidl. D'accord, donc là on est parti chercher un pack de bière. On vient de voir le premier concert, à savoir Depressive Witches, qui est un groupe de French Black and Roll. Et qui a envoyé ses verres. Alors j'ai essayé d'aller récupérer nos amis là-bas pour essayer d'avoir leur avis. Tiens, prends déjà l'avis de Parcimonie et tu lui demandes qu'est-ce qu'elle en a pensé. Parcimonie, qu'est-ce que t'en as pensé de Depressive Witches? Depressive Witches, eh ben, j'ai beaucoup aimé l'univers. J'ai trouvé qu'on rentrait facilement dedans. Que la lumière en fait nous aidait aussi, je trouve, à rentrer dans le délire et dans leur univers. Et bah je sais pas, ils ont bien géré le show quoi. Pour un début, je trouve que ça s'annonce vachement bien. Donc ouais, c'était cool. Et toi du coup? Bah moi j'ai bien adoré aussi, franchement. En plus pour une ouverture là, franchement, les entends nickel. Parler. Non, bien d'entrée. Après j'ai pas trop entendu l'univers sorcière, tout ça, tu vois. Ah oui, non, il a pas entendu l'univers sorcière. Moi j'ai trouvé que c'était bien black, hein. Ça sonnait bien black, ouais, un peu doom. Mais ouais, j'ai pas trop senti le petit univers sorcière, moi. Il a pas senti l'univers. Tu vois. Sauf avec quelques petites intros où ils avaient leur petite bande son qui faisait, mais bon, mis à part ça, franchement, la journée promet. On en trouve. Je trouve que ça va être plutôt pas mal. On n'est pas à ton premier bourbon, à ce que je vois. Ouais. Donc là, du coup, on se dirige vers Lidl. T'inquiète, Tonaï, je reprends la main. Y a pas de soucis. Je vais donc de ce pas demander à Seb ce qu'il a pensé de ce premier concert d'ouverture de cette deuxième journée du Graf Zeppelin. Eh bien, c'était un très bon concert, un batteur très énergique, j'ai trouvé, qui joue également très bien de la guitare. Ouais, bah ça, j'en dire deux mots là-dessus. Et voilà, c'était un bon concert d'ouverture, ils ont bien fait le job. Franchement, c'était top. Alors je te rejoins, moi aussi j'ai trouvé que c'était un super concert. Et en fait c'est vrai qu'à un moment donné du concert, le batteur s'arrête, se lève, va prendre une guitare, allume un ampli et commence à jouer. Et là il y a deux guitares qui se mettent en branle et une batterie électronique qui vient les accompagner. Alors petit bémol, mais léger bémol, c'est qu'en fait que la batterie électronique, bah, elle faisait pas autant le taf que le vrai batteur, mais elle m'a pas choqué. C'est-à-dire que si t'avais eu limite cette configuration pendant tout le concert, est-ce que ça aurait été si différent? Je ne sais pas, mais ce qui m'a vraiment perturbé, c'est que le batteur prend la gratte, vient faire son truc de gratte, et à un moment donné, je suis en train de prendre des photos, je vois qu'il commence à faire un putain de solo, enfin j'entends un putain de solo, je me tourne vers le chanteur, et non, c'était le batteur. Qui l'eût cru, le meilleur gratteux des deux était donc le batteur, qui se cachait depuis le début de ce concert derrière une batterie, mais qui a vraiment quand même bien performé de ce côté-là. Donc c'était un concert vachement bien pour mettre l'ambiance en début de festival, et en plus, plein de surprises. Et toi, mon très cher Bob, qu'en as-tu pensé? Je commence à être essoufflé, j'ai dû courir, non? C'est possible. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Hein, c'était plutôt pas mal, et du coup, je suis assez d'accord avec vous-même. Et je pense que vous avez tout dit, que du coup, j'ai plus rien à dire. Parce que c'est vrai. J'ai pas écouté. Voilà, double slash. Voilà, merci. C'est tout pour moi, bonsoir. En vous remerciant, non, on drop pas le mic au prix. Alors, il y a un truc pour traverser là qui est plus safe que ce qu'on a regardé hier, et c'est vrai que c'était un petit peu dangereux. Donc, écoutez, voilà pour ce premier concert. Là, on va continuer d'aller rapidement vers Lidl parce que sinon, on va manquer de quoi boire. En tout cas, j'ai espéré pour à un moment donné. Parle dans le micro, mec. À un moment donné, j'ai eu peur pour le batteur parce que je l'ai vu à un moment donné. Je sais pas si Seb l'a vu ou l'a raconté. À un moment donné, batteur, donc il joue, il pète une baguette, ouais. Ça s'entend pas trop, il en récupère une. Ouais. Juste derrière, donc il continue. Et là, juste derrière, son sac de baguettes qui se casse la gueule. Non. Si. Oh. Et là, je dis, bon, normalement, ça arrive pas deux fois sur le même set, ça. Mais ouais, j'ai prié pour lui pour que ça arrive pas une deuxième fois. Moi, de mon côté, quand j'ai été sur le côté de la scène, j'ai quand même discuté deux secondes avec les mecs de Comic Serpent. Ouais. Et il y avait donc le guitariste. Et je dis, mais ça, tu dois kiffer. Il me fait, ouais, ça va. Je fais, putain, t'es dur. Il me fait, non, mais c'est bien, j'aime beaucoup et tout. Oui, après, c'est pas... Non, mais vraiment, mais c'est pour dire, tu vois, ça me fait un peu penser à moi. Ouais, c'est pas mal. Non, mais voilà. Non. En tout cas, voilà pour ce premier concert. On rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, évidemment, et qu'il faut toujours boire avec parcimonie. Heureusement, elle est là. Heureusement, elle est là. Donc, nous, on par contre, normalement, il faut avoir vidé son verre avant de rentrer, les gars. C'est la règle. Ah bah oui. Ah bah si, tu rentres pas avec un verre, sinon tu... Oui, oui, sinon... sinon c'est la porte ouverte. Mais après. C'est pas toi qui paye normalement. Bon bah comment on fait alors? On y va? Ah bah si on s'arrête là, on perd plein de temps en fait. Allez. Mais si, mais il va rien se passer. Oh, il va rien se passer. Mais c'est pas être raisonnable, il se passe rien, regarde. Ça enregistre toujours là, ça enregistre toujours là. Je tiens pas la route, je tiens l'école. Ça enregistre toujours là? Ouais. Ah merde. Mais pas longtemps. Non, pas du tout. Mais pourquoi t'as fait ça? Tu fais quoi? Bah, c'est parce qu'il faut rentrer à un moment donné. Ah ouais? Ah ouais. De quoi? D'estomac? Sous, Jack. Pardon? Donne les sous à Jack et Jack il y va. Allez, on y va avec Tona. Nous on connaît, on habite là nous. Allez, bois vite toi. J'aime pas ça boire. Hein? T'aimes pas ça boire vite? Allez, on y va. Ok, bon, très bien. Allez, on est parti. Ah, j'ai l'impression d'être chez moi. Mais disons, il pourrait ouvrir mieux que ça les portes là. Alors. Donc c'est le rayon qui est au milieu là. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Les gens sont très polis ici. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec seulement 2 bières? Faut en prendre un peu plus? C'est pas assez, 2 bières. Alors, bah, Tonaï, dépêche-toi. Oui, j'arrive, j'arrive. Oh bah merde, c'était pas ce rayon-là. C'était pas ce rayon-là. Putain, c'est pas... À la poursuite. Ah, mais on est venu hier. Bonjour. J'ai confonde. Oh, des caramels. Oh, tout me donne envie. Oh, j'ai envie de résider, les gars. Heureusement. Ah, pardon, bonsoir. Jack. Oui. Est-ce bien nécessaire? De quoi? On a déjà fait un report sur le. On a déjà fait un report. C'est vrai. Tu veux qu'on j'arrête là du coup? Non, tu fais comme tu veux, c'est toi pas, le c'est, patron. Putain, il s'arrête en plein milieu. Bah oui, mais. Alors. Bah moi. Ah là, devant toi. Ah, c'est ça que tu veux, toi. Bah, c'est vrai qu'elle a 89 centimes le pack. Non, c'est 67. Ah, je me suis trompé d'étage. Tiens, Seb, je te demande un petit service. Bah non, un seul ça valait. Un seul ça valait. D'accord. Oui, non, mais tu. C'est... Il est gentil, mais bon. Non, moi, donc. Moi je suis à l'eau maintenant. Donc... D'ailleurs, de l'eau, oui. Peut-être on reprend. Tu veux reprendre de l'eau? Ouais, je vais prendre une bouteille ou deux, moi. Ouais, ok, ça marche. Voilà, tu vois, ça c'est bien. Ça, je suis ok avec ça, moi. Allez, on y va. Alors. Tu vois, ouais, au début, on fait les malins, on prend de l'alcool et là, on est raisonnable, on prend un petit peu d'eau. Bah, je voudrais vous ramener en entier. Si oh, vous non, voulez bien. Il y a des trucs à manger quand même, les gars. Hein. On est obligé de ça. Il y a quand même pas mal de trucs à bouffer. Hein. Oh. Je suis le seul à avoir la dalle. Oh putain, un hot dog là. Oh, il y avait de la Bud. Bud. Allez, les gars, il y a de la Bud. Hein. Ok, je vois que je suis tout seul dans mon délire. Non, mais c'était plus à la place de la grippe. Une seule bouteille? T'as pris 2 bouteilles? J'en ai pris 2. Ça marche. Allez, go. Ah. Les gens vont être vraiment contents d'avoir un report de qualité. Hein. Là, on peut pas, on peut pas dire. Eh, je vais peut-être pas utiliser leur thune, non, ça me met mal à l'aise. Ouais, tu m'étonnes. Je vais payer. Paye l'eau avec, au pire. Moi, ça me met pas trop mal à l'aise. Je vais payer. J'ai plus d'argent, mais je vais payer. Ça va. Alors, ouais. Alors, faudrait que quelqu'un me tienne le. Tiens. Oh, alors le timing, Là on est pas mal. Là. Non, ben là, excusez-moi. Mais... Allez, je paye. Tu payes même l'eau avec? Je paye tout. Ouais. Cool. Monsieur est un prince. Ah ouais. Ouais, monsieur va finir à la rue. C'est ça le vrai problème. Mais non. À la rue, mais avec des bières et de l'eau. Oui, et des beaux micros. Apparemment, c'est confortable d'en tailler. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est pas drôle, Seb. Les gens dorment dans ma dalle, c'est pas marrant. Je sais, oui, je sais, mais oui, mais moi ça me fait pas rire. Moi ça m'a fait peur. Non, je rigole, je suis arrivé très énervé. Non, ça va. Et je l'ai dégagé, le gars. Avec un petit fond de peur quand même à vous. Ah non, aucun. Ah, vraiment, pour le coup, à aucun moment. Non, tu t'es dit à cette heure-là, ça peut être juste, que un. Juste de la rancœur. Non. En vrai, le seul truc, c'est en mode, je savais ce que j'allais, sur qui j'allais tomber. J'étais plus en mode, vraiment en mode, je le réveille doucement, je vois que tout est ok pour lui. Et après, je le dégage violemment. Enfin, énergiquement. Oui, voilà. Ouais, tu lui as proposé un petit café. Je lui ai pas proposé. Ça aurait été un samedi, ouais, je faisais ça. Un samedi, je avec les croissants. Non. Un samedi, je lui disais, ça va, mec, ok. Dors plus chez moi. Jamais. Voilà. Au pire, demande. Et du coup, maintenant, il y a plein de gens autour de nous qui nous regardent en plus, donc je suis un peu mal à l'aise. Fais l'animation tonight. Bah, si. Hein. Et j'ai bien vu le regard sur le côté. J'ai bien vu. Faut, non, faut pas se fier à l'objet, c'est un objet, ça n'a rien à voir. C'est un outil de décoration. Oui, qui n'enregistre pas du tout ce qu'on est en train de dire. Et non. Hop. Hop. Ah, tu mets des barrières entre vous et les gens. Bravo. Après, si les gens veulent c'est payer, vrai que ça fait pas très. Non, non, non, je voudrais pas. Non, je voudrais pas qu'on commence cette superbe relation sur un malentendu. Alors, si vous voulez, non. Si vous voulez vraiment payer les bières. Vraiment, alors, à des petits jeunes dans le besoin. Moi, je serais à sa place, j'aurais dit non, mais par contre, je veux bien payer l'eau. Bah parce que on va nous inciter à boire quand même. C'est vrai que c'est pas bien l'alcool. On va non, reposer l'alcool, on va garder l'eau. Voilà, moi, je dis, c'est ce que tu devrais faire. Ah mais il y en a deux à la sortie qui vont pas être contents, pas d'accord. Ouais, plus pas d'accord. Déconné, plus pas d'accord jamais, que pas content d'abord. Elle est chiante pour son oh, verre, il y avait rien dans son verre. Surtout qu'on va arriver là-bas à faire un verre ville. Non mais en vrai, en vrai. Non en vrai c'est vrai que tu. En autant, vrai c'est autant, vrai. Autant des fois bon, il y a des chroniques. Bon, mais là, elle est un peu. Non. Ça va, moi je trouve. Elle est un peu soupolée. Un peu hein. Elle pouvait le boire plus lentement, pourquoi elle. Elle pose sur la scène, ça dérangeait personne. Est-ce qu'il faut que j'aille lui chercher de la 19h13, soupe, faut pas perdre de temps. Allez go. Eh, on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. On arrive, qu'est-ce qu'on fait ? On rouvre une bouteille là, on la boit sur la route, on pose le pack et on fonce, fonce, fonce, fonce, fonce, fonce, fonce. 19, on est censé. On a un quart d'heure. 2h, est-ce que je peux encore être. Est-ce que c'est encore raisonnable ? Je pense que bah, ça dépend. Est-ce que tu veux prendre ta dernière bière maintenant ou la prendre plus tard ? Mais ça n'a aucun sens. Non, de plus tard, c'est pas bien. Alors prends-la maintenant. Je vais la prendre maintenant sur le chemin du retour. Bonjour. En carte bleue, s'il vous plaît. Donc là, les gens voient pas, mais donc là, tu fais un sans contact. Tu fais un sans je contact. Je retente un sans contact. Oh là là, mais ça marche toujours. Hein. Ça moi, marche ça m'inquiète, toujours, hein, le nombre de passages. De non, merci, ça ira. Moi, merci ça... beaucoup. Bonne journée, bon courage. C'est une question que je vais aller poser à ma banque un tôt ou tard, moi, parce non, que en ça fait, m'inquiète. 300 contacts, normalement, tu dois refaire le code. Mais t'es sûr de ça journée... Ah ouais, ouais, normalement, ouais. Moi, j'ai une sécurité, ouais. Non, non, c'est sûr. Tiens. Hier, j'ai fait. Merci. C'est pas à toi. C'est vrai que c'est pas à moi. Eh, ça s'est plutôt bien passé, non ? Moi, ça va. Bonsoir. Écoute. Alors, le verre est vide ou pas ? Non. Tenez. Non. Alors, Tonaï a pris deux bouteilles d'eau, moi j'ai pris un pack de bière et vous, vous avez rien payé. Allez, c'est parti. Merci, bonsoir. Allez. Mais ouais, mais ça me faisait. En fait, j'étais hyper mal à l'aise de me servir dans votre portefeuille. Ouais, je vous ouais, jure. J'avoue. Non, mais vraiment, j'avoue. Et il m'a même pas me laissé me servir non, mais... pour payer l'eau avec. Non, mais en vrai, j'étais. Ah ouais. Hein non, non, parce que moi, j'étais moins mal à l'aise. Bon, en même temps, ça coûtait attends, moins cher. Non, arrête d'avancer, Seb, sinon on peut pas prendre une bière. Attendez, je vais faire la sécu. Attendez, je fais la sécu, j'ai un micro. Oh, oh, oh, oh. À quoi tu vois ça? Vous avez pas vidé votre verre encore? C'est vrai ça. T'en prends des risques toi? J'avais pas de porte-monnaie. Ah non, non, non. Mais bah justement, gars. Non mais. Si tu te fais penser à une chanson, tu la chantes. Alors, attends. Et quelqu'un peut aider Seb qui galère là? Ouais, ouais. Bah moi aussi je galère, j'ai un truc dans les mains. Ah oui. Et on a tous un truc dans les mains. Non, parce que là en fait on a calculé, il faut boire la bière avant qu'on arrive là-bas, poser le pack et rentrer pour faire pipi et on va louper le truc de houle. Quoi? On est chiant? Ouais. Eh, tu dis plus jamais ça, d'accord? Ah merci, voilà. Quoi? Tonaï, on ouais, est où? Ouais, Jack. Mais qu'est-ce qu'il dit? Tiens, tu veux que je te tienne quelque chose pour pouvoir l'ouvrir? Ok, alors, tiens-moi le deuxième micro. Ok, je te tiens les deux micros. Attends, bah attends, j'en ouvre une. Et là, du coup, est-ce que ça fait plus? Non. Ah non. Non, ça fait pas ça. Regarde, tu vois, ils ont leur bière maintenant. Leur ouais, bière, non, mais tu vois. Non, mais ça se trouve, ils sont un peu vénères parce que peut-être ils ont attendu longtemps devant. Tu crois? On n'a pas été rapide? Parce que, bah, nous, pour nous, ça a été rapide, mais peut-être quand t'attends, des fois, c'est plus lent. T'as pas l'impression? Que ce que je dis, c'est vrai. Je peux pas la cacher, je peux pas la cacher. Bon, okay. Mais la cache pas. Ah. Par contre, tu la jettes pas dans la nature. Ah non, ah non, non, tu fais pas ça par contre. Je suis d'accord. Non. Regarde, tu veux faire comme tous ces gens qui polluent la planète? C'est les fils de pu. Ouais. C'est les fils de pu. Ouais, exactement. Moi, j'aime pas ça, les fils de pu. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai ça, mais pourquoi t'as eu mauvaise conscience, pourquoi? Alors, tiens, bonne question. Pourquoi t'as de mauvaise conscience comme ça? En fait, moi, c'était pas mon portefeuille, je sais pas. Je l'ai abîmé. Bah non, mais j'ai bien compris. Voilà. Alors. Bah non, mais t'as eu l'autorisation. Ça s'appelle pas du vol. Bien sûr que non, que j'aurais pas fait. Tu m'as pris pour Jack. Merci. Voilà, on en est là. Et je peux pas dire ça. Mais on vous reproche rien. On vous aime quand même. Oh là là, comment il fait. C'est clair. Moi, je me suis mis dans le rouge pour vous, mais c'est pas un problème. Ah, je suis, là, je suis à découvert, c'est sûr. Mais c'est pas grave, ça va être réglé. On vous... Mais oui. Eh, attendez. Est-ce que c'est à cause j'ai un podcast qui rapporte c'est plein à cause de trucs, des bières hein. que tu as découvert. Non, mais vous avez pas idée, hein. Non, je déconne. Non. C'est pas à cause de ça. C'est vrai, c'est un peu ça. Quoi ? Ah oui, non, mais vous l'auriez remarqué quelque part, je pense. Là, vraiment. Ah. Si, je, eh, si jamais j'étais un minimum malin, effectivement, j'aurais récupéré de l'argent du Tipeee pour l'investir. Mais je suis pas assez intelligent pour ça. Allez, on je a pas un autre rapport concert, avec allez, voir. C'est vrai qu'on constate quand même. C'est, hein. Mais j'ai pas le temps de ça. Moi, je suis sur plein de projets. Le mec, il a, en fait, je sais pas comment on fait pour récupérer l'argent du Tipeee. Il y a 1500 balles, je sais pas comment on fait. Non, non, non, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il faut que je rentre mon RIB, mais après j'ai vu un que c'était des déductibles des impôts. Je me suis dit, ah. Donc en fait, il fallait que, genre, limite, il faudrait que après, je crée je une société. C'est peut-être ça qu'ils aiment, les gens aussi. Oh, on les aime bien, nos petits cons. Voilà, gros, donc je me suis dit, là, pour l'instant, l'argent n'est pas perdu, il est de côté. Et quand j'en aurai besoin, bah, je l'utiliserai. Et lui, il a pris que deux bières. Lui, on l'a vu, on lui a dit dans le magasin, deux bières, ça va pas suffire. Mais ouais. Bah oui, mais arrivé sur place, il n'y aura plus rien. Par contre, ouais, j'avoue, ouais. C'était le dernier à aller retour. Non, mais ça se trouve, il en voulait 20, il lui en reste plus que 18, il est venu en chercher 2. En fait, on n'a peut-être pas utilisé votre portefeuille, mais vous savez ce qu'on a été ? On a été des putains de génies. Pourquoi, vous allez me dire ? Pourquoi ? Oui, pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce, qu'ils nous ont... Qu'est-ce qu'on a entendu en caisse, Seb ? Ah oui. Qu'est-ce qu'on a entendu, Tonaï ? Je me rappelle plus non plus. Mais putain, on, mais était, on était en on train est... de parler avec le monsieur de derrière qui on était, qu'il nous avait ça qu'on a pas avec des gens. On était en caisse et on entend votre magasin va fermer. Ah ouais, le timing parfait. Pas timing ouais. parfait. Ouais. D'ailleurs, la musique c'est. Tum, tum, non, ça c'est SNCF. Ah, je me disais aussi, je confondais. Tu confonds. Ouais. Ah, va falloir boire cette bière, poser le pack, aller faire pipi, boire de l'eau. Où va commencer, je pense. Hein? Où va commencer, je pense. Oul va commencer. Ouais, Oul. C'est dommage parce que c'est bien Oul. Ouloulou. Les gens le disent en tout cas. Ouloulou. J'espère que les gens qui écoutent ce report se disent il n'y a même plus une seule seconde de musique en fait. Il y a eu plus de Lidl, de Marche que de musique. Oh là là là. Après, nous, on vous conseille d'aller écouter Dépressive Witches. Hein. Il n'y a peut-être pas beaucoup de sorcières. Je sais pas comment tu vas le décrire cet épisode-là. Je vais pas le décrire, mec. Oh, on a fait un report. Non, moi, en fait, ce qui me fait plaisir, c'est de voir qu'il y a Seb et qu'il pourra dire « Ouais, alors, en fait, j'ai effectivement vu la magie opérer. Il n'y en a pas. Vraiment, les gars arrivent. Et après, j'espère juste pour eux qu'elle réopérera une fois que je serai rentré chez moi. C'est qui a perdu son... Bah, c'est toi ? Non, moi, je l'ai. C'est toi ? Mais non, il est là. Ah, bah, c'est moi. Ah, bah, mais t'as quoi à la main ? Ah, elle l'a mis dans la main, encore. On vient de vivre un truc mémorable. Ah ouais, parcimonie qui dit ah c'est mon gobelet qui est tombé alors qu'elle l'a à la main. Et ça c'est une tonaille, moi j'aurais pu la faire celle-là. J'aurais pu la faire. Ah, elle avait dit ouais il est trop rempli mon verre, effectivement. J'aurais pu le faire. T'aurais pu le faire. Il est où ton verre à toi? Dans la... Je l'ai ramassé, j'ai mis dans ma poche. N'empêche, on voit qu'on a vieilli quand au deuxième groupe on est déjà en mode allez on rentre à la maison. Ah. Non, on rentre pas ? Non, ça va. Ok, parfait, il n'y a que moi. Allez, c'est parti. Au deuxième groupe, allez, on va racheter des packs. Non, bah non, mais je veux dire... Bah oui, mais la faute à qui ? La faute à ceux qui ont bu. Et on a tous bu ici. Ouais, non, c'est dégueulasse parce que moi, j'ai acheté un pack hier. Là, j'en rachète un aujourd'hui. On rachète des packs tous les jours. Et la faute à ceux qui ont bu ? Non, ouais, c'est... non, c'est pas comme ça que c'est ça se passe. C'est la faute aux gens qui écoutent Ewar. Mais ça, on le dira pas. Pas trop fort en tout cas. Si, bah ça dépend. Attends, moi, là, les mecs là qui ont l'air balèzes là. Eh, hey, vous écoutez Ewar ou ? Bah, je vais me les faire. Quoi ? Jamais de la vie, pourquoi je danserai sur Ewar ? Bon, alors là, c'est pas dit que je danse pas sur Ewar, moi. Toi, tu vas danser sur Ewar ? Bon, ouais. Ah, je veux voir ça. Oui, mais Tonaï, il danse sur les années 80. Jamais de la vie, je danserai. Pourquoi je danserai les années 80, ouais, j'avoue que. Je danse pas, je suis pas un danseur. Après, est-ce que ça s'appelle vraiment de la danse ? Si, ouais. si, c'était de la danse des années 80. Ah, c'est tellement bien. J'en ai regardé des tutos, hein. Je te le cache pas. Ah oui ? Ah oui, ah ça. Pour ton mariage ? Non, bah, pour... Par ah bah non. Bonsoir. Là, j'ai juste regardé... Bon appétit ! Bon, c'est un plaisir. J'ai juste regardé la carioca en boucle pendant plusieurs heures. Ouais. Je le connais par cœur. Bonsoir. Là, tu mets la carioca, là, je te fais tout par cœur. Ça se passe bien ? Vous savez qu'il y a des concerts là-bas, hein ? Ah bah, avec plaisir. Bah, on se recroise, hein. Ah là là. Ah, ça y est, ils ont abandonné. Hein. Donc là, on a directement abandonné, on va dormir là sur place. Non, c'est la digestion là. Là, c'est la digestion. Ça. Nous, c'est ce qu'on a fait dans la voiture sur la route de l'allée. De quoi ? De la digestion. Bah ouais, mais tu vois, qu'est-ce que j'avais dit sur le barbecue ? Qui avait dit ça pue la merde ? Mais franchement, tu t'es complètement gouré. Ah bah regarde, on a perdu un Bob. Bah non, on l'a pas perdu, il est là, il est bien présent, il marche, il met un pied devant l'autre. Il est pas présent, il est sans un peu sans canne. T'as vu ? Il est opérationnel à 200%. Non, il boit de la bière, mais ça va. Bah oui. Regarde, j'ai acheté 2 litres d'eau et on n'a pas encore une seule d'ouvert. On va la boire maintenant. Ouais. Il nous reste 22, on a... Oh, 22, pas mal. On est bon. Bon, bah on dit à tout à l'heure aux gens, on va aller voir Roule. On va aller voir de l'eau, faire pipi et manger un résidor. Oui, je croyais que t'allais dire on va voir de l'eau, boire du pipi. Allez, et on n'est pas du tout alcoolisé, hein. Tu leur dis ? On n'est pas du tout alcoolisé. Voilà. Dans le on va souffler et on leur donnera le résultat après. Non, non, on souffle pas. Allez, au revoir. Et bien voilà, le Grave Zeppelin c'est fini. On est sur la. Grave Zeppelin c'est fini. On est sur la route du retour. On a un peu oublié de venir vous reparler entre deux. Enfin, oublié oui et non. On s'est fait. Oui. Il y a quand même du contenu. Ah oui, non, mais c'est pas ce que je dis. C'est qu'on s'est un peu fait surprendre. On s'est fait entraîner par la valse des concerts. La dernière fois qu'on s'est parlé officiellement, eh ben, il y a eu le retour du Lidl. Et après, on était parti pour aller voir Hull. Et c'est... après Hull. Eh ben après, là, ça s'est. Eh ben après Hull, il y a. Silence radio. Hein. Non. Ah oui, mais ça arrivé après. Mais après Hull, il y a eu quoi ? Il y a eu le hot dog. Après Drenaille, rangé, etc., etc. Mais revenons en détail, ou pas forcément. Alors, Hull. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les gens, de ce petit black metal marin ? C'est juste bien, quoi. Alors, non, alors attends, par-ci, faut que t'ailles. Oui, faut que tu parles un peu là. Une putain de claque, mais. Ok. Enfin, dans tous les sens du terme, je sais pas, c'était. Oui, ou comme te dirait la chanteuse, ah bah j'espère pas, parce que des fois, c'est vrai que ça m'arrive de. Ouais, non, mais c'était vraiment génial. De descendre dans la fosse, ouais. Et des claques aux gens. Ouais. Non, franchement, j'ai adoré. C'était énorme. D'accord. Et toi, Bob ? Ah bah juste énorme en fait. Ouais. Une putain de bonne surprise vraiment quoi. Aussi ouais. Bien niveau scénique que. Parce que t'avais écouté un peu avant ou pas ? Alors très très peu en fait pour vraiment dire les choses clairement. Ouais. Mais vraiment très très très très, très surpris par le côté scénique aussi quoi. Ouais. Il y a une vraie présence, une vraie prestance. On sent qu'il joue le truc à fond quoi. Ouais. Vraiment Hull quoi, c'est vraiment le côté. Alors. On sait des choses qui font que ça peut compromettre un petit peu le côté scénique, clairement. Hein. Ah, mais en vrai, quand tu viens juste voir le groupe et que tu connais un petit peu leur musique, voilà, ouais. Le leurre est là. Ouais. En tout cas, pêche. Et puis, ce qui était intéressant de voir, donc, c'est que c'était une vraie moi, un peu comme toi, j'avais un peu, mais alors très peu écouté, parce que j'étais plus en mode d'attendre et de les voir ce soir et de les tirer au sort pour le podcast. Mais c'est vrai que t'arrives et on prend une vraie déflagration. Il y a un univers, t'es pris un truc. Ils ont leur propre déco qui a été rajoutée à celle de Blaise. Donc ça fait vraiment une déco complète sur scène. Bah c'est ouais, ça complète complètement le truc. Ils ont toute leur imagerie avec eux et il y a vraiment un truc. Moi, c'est vraiment, je trouve qu'il y a quelque chose où ils s'effacent un peu personnellement pour te créer, pour te montrer. Voilà, Hull, c'est ça. Et c'était hyper intéressant de les voir sur une petite scène, entre parenthèses, dans le genre, c'est pas la plus petite des scènes, mais plus qu'une scène, sachant qu'on va potentiellement pouvoir les voir au Hellfest sur un grand truc. Donc, là aujourd'hui c'était plus intimiste, mais là moi je suis aussi curieux de les voir dans une autre config pour voir l'autre propale, l'autre proposition qu'ils vont avoir. Ça, c'est un truc que j'attends. Enfin, j'ai un peu peur, moi. Je suis curieux, mais vraiment, ça se prête à ce genre d'ambiance, de scène, tu vois. Ouais. Bien sombre, un peu fermé, un peu intimiste, tout ça. Ouais. Le temple, ça va être grand, ça va être 30 minutes, voilà. Ouais, mais alors si jamais on avait eu l'occasion de discuter avec l'un ou l'autre des membres qui nous aurait expliqué qu'ils avaient peut-être pensé le truc, on pourrait être inquiet. Mais moi, justement, je suis plutôt rassuré de savoir qu'ils... Ah ouais, c'est vrai qu'ils bossent amorce un peu le côté on sait qu'on va arriver sur un temple, 30 minutes, on va changer un peu de config, on va bosser le truc. Donc c'est ça qui m'intéresse aussi, parce que là ils ont eu une heure, ils nous ont proposé un vrai show. Eux de leur côté ils ont dit que c'était un des meilleurs concerts qu'ils ont jamais fait. Il y avait une vraie ambiance de fou qui réagissait. D'ailleurs c'était marrant de voir qu'il y avait un peu deux niveaux de public. Tout devant, des gens qui voulaient profiter musicalement en mode à la cool, et derrière des gens qui voulaient un peu plus se bousculer. Et le groupe disait que justement eux ils voulaient que ça se tape un peu. Ça les dérangeait pas en tout cas. Donc vraiment une super découverte, c'était très très cool de voir ça, un groupe je pense à suivre. Complètement. Et qu'on risque de revoir dans la région prochainement. Donc bah, c'est de ce qu'on en a compris. De ce qu'on en a compris. Donc ça sera avec un énorme plaisir. C'est tout pour Roule, ça vous va? Oui. C'est le moment où je dis tout de suite on vous laisse avec une interview de la chanteuse. C'est ce moment-là où je le dis? Bah oui. Ah bah. Je pense, ouais. Et tout de suite. On vous laisse avec un petit échange qu'on a eu avec la chanteuse qui a accepté de venir discuter un peu avec nous. Ça s'est fait comme ça, pouf pouf, et cool. À un moment ouais, top. Donc c'est maintenant. Ça me fait bien plaisir. Je suis bien content. Ça m'a bien stressé cette année en plus, tu vois. Je me suis dit putain, est-ce que je vais y arriver une fois de plus, tu vois. Non, ça marche bien. Avec l'univers et tout, franchement. Et ça s'adapte un peu au groupe. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est intéressant. C'est là où je suis content, tu vois. Parce que des fois, ça pourrait ne pas matcher, tu vois. Et puis hier, avec Knucklehead et tout, ça marchait aussi. Non, ça a passé avec la majorité des groupes, je dirais. Ouais, c'est ça. Oui, voilà. Ouais, la majorité. La majorité, ouais. Mais bon, je suis content. Tiens. Merci, Blaise. Non, c'est juste pour qu'on entende un peu tout le monde. Mais si tu veux participer, n'hésite pas. Je suis pas loin, je t'écoute. C'est vrai, l'année dernière il avait déjà fait ça aussi. Et de temps en temps il vient et il dit oh, mais quel truc. Ouais, il n'hésite pas. Donc nous sommes sous la tente, on peut dire un peu la tente VIP du Graf. Et nous sommes avec la chanteuse de Houl qui n'a pas pris le temps de se démaquiller. Bon, on va pas t'en tenir rigueur, mais c'est pas terrible. Mais t'aurais pu faire un effort. Non, je pue un peu. Non, il n'y a pas d'odeur. Pour les auditeurs, c'est. Non. Elle nous a vraiment dit je suis dégoûté, je sais pas où sont mes fringues, je voudrais prendre une douche, je ne sais pas où sont mes copains. Donc elle a perdu tout le reste du groupe. Ça, ouais. C'est ce qu'elle nous a dit. Donc nous, on avait dit à quel point le show était cool. On avait vraiment apprécié. Merci beaucoup. Et on était sur le point décoration. Parce que Blaise, mine de rien, fait un bon petit taf. Tous les ans, il vient, il rajoute sa petite touche en plus. Voilà. Des bois, des machins. Donc voilà. Donc c'était un très bon concert. Est-ce que vous avez kiffé Nous, vraiment, le public était hyper réceptif. Et c'est vraiment c'est un énorme plaisir quand t'arrives sur scène et tu vois que le public il est déjà conquis, genre il est que la réponse se fait direct en fait. Bah je pense en vrai que vous étiez un groupe attendu quand même aujourd'hui, hein. Vous faisiez partie en tout cas des têtes d'affiche que les gens voulaient voir, quoi. Ouais, je pense qu'il y avait pas mal de gens qui nous connaissaient pas aussi, qui nous ont découvert aussi, mais il y avait vraiment des gens, je pense qu'il y a des gens qui sont déplacés pour vous, hein. Ouais, il y avait quelques t-shirts. Donc ça c'était plutôt bien. Ouais, donc c'est une des premières fois que je joue en Normandie ou pas? Je crois que c'est la première fois qu'on joue en Normandie, oui, si. Donc le public était quand même cool, ça va? Ah oui, incroyable. Ah parce oui. Que comme on est un peu plus proche de votre élément quand même là. La Normandie, la mer. Ah oui. Oui. On se rapproche. On se rapproche. Ah là, on t'entend pas du tout. Faut vraiment que tu te rapproches, là, on t'entendra pas. Donc tu disais la Bretagne maritime. Il a dit la Bretagne maritime, on est bien dans les mains. On a perdu Blaise qui s'est barré. Donc c'était un très bon concert, vous avez passé un bon moment, nous aussi. Il y a eu juste, on peut le dire, il y a eu un petit moment, une petite embrouille devant la scène. Oui. Tout était rangé, je m'en suis occupé, personnellement. Merci de l'avoir fait. Non, j'ai géré, je me suis dit, ça va pas mal se passer maintenant, on va dire, tout se passe bien. Donc, on parlait justement du décor, c'est vrai que des crânes et tout ça, mais vous étiez arrivé déjà avec pas mal de trucs pour amener votre univers sur scène et tout ça. Oui. Et c'est vrai, force est de reconnaître que ça se mariait quand même pas trop mal. Il y avait une espèce de... Alors, ça se mariait aussi bien avec les groupes d'avant et d'après, mais avec vous, ça matchait aussi pas mal. Est-ce que c'est important pour vous, justement, toute cette image, le côté amener un univers en plus visuel, en tout cas? Ah oui, totalement. Nous, dans Houl, on a vraiment... On joue vraiment sur le côté où on veut amener une ambiance marine et on veut emporter le public dans cette ambiance-là. Donc, on va beaucoup jouer sur les samples de mer, de mouettes, de porcs, tout ce que tu veux. Les tenues, on est en caouet, marinière, bottes de... Marinière et bottes. Moi, j'ai retenu marinière et bottes. Voilà, c'est, pour moi, c'est ça. Marinière et bottes. Ouais. Ben, on veut vraiment retranscrire un peu une ambiance portuaire plus que vraiment marine, fond des mers, abysses, etc. Nous, on se place vraiment sur le marin, le port, la mer, oui. Mais vraiment, il y a ce côté humain autour de la mer. Moi, j'ai remarqué aussi un autre petit détail. Je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais alors déjà, bon, vous êtes maquillé, enfin assombri, afin de camoufler un peu les expressions du visage. Mais tous, quand vous êtes en train de jouer, même toi quand tu interprètes les morceaux, il y a les cheveux devant tous. Et en fait, à un moment donné, il y a une espèce, un petit peu comme si vous effaciez votre image afin de laisser parler, alors pas forcément le propos, mais la musique et tout ce que vous allez amener dans votre univers. Il y avait un truc un petit peu comme ça, j'ai trouvé. Bah, je pense que c'est là où on revient sur un peu... Bon, on reste un groupe de black metal, ouais. Donc et assez moderne, même si on a un côté assez old school, on a une prod qui est très moderne. Mmh. Et... c'est quelque chose qui est très apprécié dans le black metal, d'avoir ce côté un peu spectral, en fait. Et bon, on a beau ne pas être masqué comme beaucoup de groupes de black metal actuellement. Tout à fait. Capuche, etc. Voilà, on a la capuche, on est grimé en noir au niveau du visage, les lights, elles sont travaillées pour ne pas être fonte face à nous et nous éclairer en fonte, en fait. Ah, mais il y a une vraie direction artistique. Voilà, donc on essaye d'être un peu des spectres de marins, en fait, et c'est un peu la direction artistique qu'on se donne aussi d'un point de vue, que ce soit de l'écriture des morceaux, donc d'écriture des textes, des ambiances qu'on amène. On veut garder ce côté cauchemardesque un peu, du marin, d'accord, vis-à-vis de la mer. Donc la mer, c'est quelque chose de qui fait peur, où il y a beaucoup de légendes autour de ça. Et nous, on va vraiment taper sur les élucubrations de marins, les légendes de marins, vraiment les on-dit de marins, en fait. C'est pour ça que je disais que Houle est très axé, en fait, vers le portuaire, parce qu'on est vraiment là-dessus, plus que vraiment le Cthulhu, les abysses ou quoi que ce soit. D'accord. On est vraiment sur vraiment l'univers de marin, quoi. Ouais, on veut taper sur l'univers marin. Le quotidien, c'est ça, le quotidien, les légendes autour. Voilà, le on-dit. Et cette envie, elle est liée à quelque chose de particulier, de profond, ou c'est juste une thématique choisie? Parce que là, par exemple, on n'est pas très loin de la mer, il y a encore un petit bout, mais si on monte un peu encore dans la Manche, t'arrives à Cherbourg. Cherbourg, ville portuaire, d'une tristitude. Bon, est-ce que tu connais le groupe Salo? S-A-L-O. Tu iras écouter Salo et tu comprendras ce qu'on peut ressentir à Cherbourg, parce que moi, c'est exactement l'image que j'en ai. Et je pense que c'est donc une ville qui pourrait beaucoup vous inspirer. Et en fait, moi, je vais pas me camoufler très longtemps. Je suis parisienne. Oh non. Allez. Je suis. Allez, tout tombe. On arrête là. Allez, on se casse. Il y a des bateaux mouches. Le mur tombe. Ah non. Justement, en fait, moi, c'est pas mon projet de base. C'est vraiment le guitariste lead qui a monté ça, et lui est brestois. Ah, voilà, d'accord. S'explique. Oui, là, c'est cohérent. Voilà. Brest, Cherbourg. Donc, tu me parles de Cherbourg, Brest. Non, mais c'est pareil. Voilà. Et en fait, c'est que Crab, du coup, notre guitariste. Il est installé à Paris depuis, 5-6 ans, 7 ans, je le connaissais pas à cette époque-là. Non, mais on n'oublie jamais. Il est installé à Paris, mais vraiment, il a grandi là-bas et en fait, il est ancré sur cette thématique-là. Ouais. Il est ancré sur ça et c'est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur, en fait, et qui nous transmet, en fait, tout simplement. Donc, peut-être que là, ça aurait été bien que Crab soit là, en fait. Non, mais t'inquiète pas. Avez la pure parisienne. Non, mais je suis vraiment désolé. Tu iras écouter Salo, tu lui diras, et après, on va peut-être aller là-bas, parce que pour le prochain album, on va pouvoir puiser des trucs. Bon, on sait que vous passez cette année Wellfest, donc on risque de tomber à un moment donné sur vous, vu qu'on tire au sort, et à un moment donné, on va tomber sur vous. Mais moi, ma vraie question, c'est plus... Là, t'es passé sur un concert, on va dire, un peu plus donc régional, un petit truc où t'es proche du public et tout ça. Tu sais qu'au Hellfest, il y a un peu plus de distance, la scène est plus grande. Est-ce que vous faites une préparation particulière ou vous y allez en mode, on fait pareil, en mode, nous, ce qu'on propose, c'est une entité, c'est Houle, c'est notre univers. Qu'importe la scène, qu'importe le public, enfin, en termes, on est toujours sur un public un petit peu quand même d'habitué à ce genre de style musical, mais est-ce qu'on prépare le Hellfest pareil, différemment, ou est-ce qu'on y va en mode... Alors, c'est justement toute la question, parce que nous, bien sûr, on aimerait pouvoir retranscrire cette ambiance-là partout où on va. Ouais. Et par exemple, ça, on l'a remarqué assez récemment, parce qu'on a fait notre première open air hier, tout simplement. Ah ouais ? Ah oui, Crazy Fest, premier open air pour Houle. D'accord. Et en fait, ça s'est bien. Ah, ça s'est bien passé. Oui, ça s'est bien passé. Bon, bah c'est déjà ça. Ça s'est bien passé. On était entre Dagobah et Rise of the North Star. Ça a dû faire bizarre. Je pense clairement. Il y a dû avoir bizarre. Un petit décalage. Oui. Ça a fait bizarre. Après le. Ah bah, du coup, ça, le mec qui était là tout à l'heure dans Houle et qui voulait bouger, parce que j'ai un peu discuté avec lui, il aurait apprécié hier en fait que lui il disait. Ah bah ouais. C'est vrai que c'est vrai qu'on voudrait pouvoir retranscrire ça partout, mais on s'en rend bien compte du coup que c'est quand même beaucoup plus facile de faire ça en salle ouais. pour nous c'est beaucoup plus facile de faire ça en salle effectivement. Après du coup ce qui se passe c'est que oui, tu travailles pour essayer de retranscrire au maximum cette ambiance-là. Mmh. Là, actuellement, le week-end dernier, on était en résidence. Ouais. Et on a travaillé notre set open air, donc notre set Hullfest, et on a travaillé notre set typé salle, en fait. D'accord. Parce que c'est deux manières différentes d'appréhender un show. Forcément, ouais. Si t'es obligé de t'adapter, si tu veux pouvoir retranscrire les mêmes ambiances, t'es obligé de t'adapter. Ouais, non, mais c'est pour ça que ça va être intéressant justement de pouvoir, sans comparer, mais voir une autre proposition. C'est une autre approche qu'on va avoir. Déjà, par exemple, de festival type open air, type Hellfest, type Crazy Fest, tout simplement, par exemple, d'un point de vue de la présence, je suis chanteuse, de comment je vais amener le public, je vais être beaucoup plus dans la communication. Par exemple, hier, je communiquais beaucoup plus avec le public parce que je sentais qu'ils en avaient besoin, en fait. Ouais. Ils cherchaient ça, ils cherchaient la proximité, vraiment la communication un peu de l'arrangage. Tu passes d'un univers à un autre, donc du coup, faut aller le chercher un peu plus. Ils cherchent un peu la baston, quoi. T'es obligé d'y aller comme ça. Après, par exemple, au Hellfest, ça va être un poil différent parce qu'hier, on a joué à 21h. Ouais. Au Hellfest, on va jouer à 11h, donc c'est encore, une manière différente d'apprendre. Et puis il y a aussi un peu, mine de rien, il y a quand même une certaine distance parce qu'au Hellfest, t'as les crash barrières devant, donc ça recule, la scène est très grande. Donc, c'est en temple ? Ouais, c'est en temple, ouais. Ah, tant mieux. Non, c'est bien. Oui. Oui, de toute façon, c'est la scène black metal et on est très heureux de jouer sur cette scène black metal. Et du coup, vous avez joué une petite demi-heure alors ? Oui. Un peu court ? Eh ben, faut rentrer dans l'art direct. Ouais, faut y aller, ouais. Je m'étais aussi posé la question, vous êtes quand même cette année un groupe dont on a beaucoup, beaucoup entendu parler. Vous devez quand même un peu le savoir. Vous êtes un peu attendu partout où vous passez. C'est-à-dire, c'est pas anodin. Comment on fait pour gérer ça quand justement on est en mode, on arrive avec un projet, on va défendre ce qu'on veut sur des scènes, sur toutes les scènes possibles. Est-ce qu'on a une petite pression supplémentaire parce qu'on sait qu'on est attendu et qu'on parle de nous, ou on est en mode on verra et on déroule? C'est un peu un subtil mélange des deux, hein, et chacun dans le groupe ne vit pas pareillement non plus. Mais vous le savez, en tout cas vous savez qu'on parle de vous. Oui. Quand même, ça fait quand même. Non, c'est pas le but de mettre la pression, mais vraiment moi. Houle, c'est un des groupes dont j'ai le plus entendu parler sans avoir écouté avant. J'entendais beaucoup parler du groupe en mode Houle, la nouvelle référence black metal et ça. Je fais quoi ? Mais ouais, On a un univers. En fait, mais je pense que vraiment c'est bête, mais on a un univers qui est atypique, donc forcément ça fait parler en fait. Et je peux te dire, avant les shows, dans le groupe, on vit les choses extrêmement différemment. Il y a les gens qui vont être extrêmement dans le déni. Alors je vais balancer personne. Non, hein, je vais laisser le. Il va y avoir les personnes extrêmement dans le déni, les personnes qui vont être en stress absolu parce qu'il va falloir. Ils disent oh mon dieu, on est attendu, il va falloir assurer. Ouais. Et là-dedans, on a une belle synergie entre nous. Donc en fait, au bout d'un moment, j'ai l'impression qu'on se compense un petit peu et que. On est gaillards entre nous, on s'aime beaucoup et on se connaît tous. Et, on s'entraide. Dire que... Comme toi, t'es là pour nous en parler. Toi, tu réagis comment par rapport à ça ? J'ai dit que je balancerais personne. Ça me comptait aussi. écoute, moi, j'ai pas forcément plus de trucs à dire. Tonight, toi, qu'à réviser, t'as envie de... Vous êtes chez les Acteurs de l'Ombre depuis combien de temps maintenant ? Depuis octobre 2021. D'accord. Et est-ce que ça n'a pas justement aidé un petit peu justement à une certaine visibilité ou pas plus ? Ah si, totalement. Totalement en fait. C'est-à-dire qu'avant octobre 2021, nous on existait depuis... on faisait des concerts depuis 9 mois à ce moment-là. D'accord. Et clairement on tournait dans des bars. en fait. Ok. Ah ouais. Oui, oui, on a commencé à tourner dans des bars. Houl, c'est vraiment un peu l'histoire où c'est un groupe de potes qui joue et... Alors, nous, on aime beaucoup les histoires. Donc, si c'est un groupe de lycée qui sont les meilleurs amis de la vie et qui continuent comme ça pendant 20 ans, c'est ce qu'on préfère. Est-ce que tu peux nous dire que c'est ça ? Alors, c'est pas un groupe de lycée, malheureusement, parce qu'on s'est rencontrés tous. Alors, moi, j'avais 24 ans quand j'ai rencontré les gars. Avec Lucas par contre notre bassiste qui lui bah en fait lui on se connaît de l'école justement. Avec le bassiste on se connaît de l'école et en fait j'avais rencontré les gars de Houl, ils cherchaient un bassiste, ils cherchaient un chant, on est arrivés tous les deux, eux ils se connaissaient déjà un petit peu, ça s'est greffé comme ça. Houl n'est pas un groupe de lycée, mais c'est une belle amitié envers nous, tout. Nous, on dira que c'est le cas. voilà, on dira ça, nous. Ouais. Nous, on dira que c'est mieux. Quand on va tomber dessus, on dira. Donc, Houl, groupe de lycée, qu'on commençait par les bars. C'est mieux. Bah, ça, par contre, c'est vrai. C'est totalement vrai. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que les acteurs de l'ombre ont encore trouvé une petite pépite. Parce que moi, j'ai le souvenir que l'année dernière, j'étais tombé en kiff sur Acode. Ouais, bah oui. Et du coup, genre. D'où le t-shirt. Et j'ai retrouvé un petit peu. Alors, c'est pas le même univers, mais le côté chaud. C'est le chemin à travailler, où vous proposez un univers, il y a tout un show mis. Et j'ai reconnu un petit peu cette touche-là. Au bout de la proposition. Ouais, c'est ça. C'est pas chacun qui est dans son coin, c'est on est tous ensemble et on vient et on ramène quelque chose, on te montre quelque chose. Donc, moi, je venais un peu en curieux et moi, j'étais. J'étais conquis, ouais. Ouais, franchement, ouais. Je pense qu'il y a des chances que ça fasse comme l'année dernière avec Acode, que je me retrouve à la Temple pour aller revenir vous voir. Ouais. Avec plaisir. C'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que maintenant qu'on les a vus une fois, on peut toujours se dire, allons voir l'autre proposition sur une autre scène plus grande et voir ce qu'ils proposent pour dire derrière, en fait, c'était mieux au graphe. Ou inversement, mais. c'est toujours plus sympa en intimiste, hein. Qu'on soit clair. Les shows intimistes sont toujours beaucoup plus sympas. Le Hellfest, tu vas jouer à 11h, tu vas jouer 30 minutes à 11h. C'est sûr. Alors après, c'est toujours un énorme plaisir d'y aller. Hein, oui, c'est sûr. En parlant de ça, vous resterez tout le week-end ou vous venez et vous repartez? On reste tout le week-end. Attends, on va pas rester un pass VIP pendant 4 jours. Et attends, alors je crois que ça. Ah oui, tiens, est-ce que t'as regardé un petit peu l'affiche du Hellfest? J'ai regardé un petit peu l'affiche du Hellfest, surtout le vendredi, j'avoue que après, je sais qu'il y a Batouchka le dimanche. Les bons. C'est celui de Christophe. Voilà, c'est ça. Voilà. Ouais. Tu sais que ça, c'est une galère, mine de rien, on rigole, mais quand on cherche, nous, Batouchka, c'est lequel? En fait, celui qui pop en premier, c'est celui de c'est Bart, machin. Ouais, faut chercher un peu. Nous. C'est ça, celui du guitariste compositeur, faut vraiment taper son nom qui est un nom polonais, donc qu'on soit clair, difficile à écrire en fait. Merci, donc là t'es en train de dire qu'on n'a pas un métier facile et c'est très gentil. Nous on a tourné avec eux, celui du guitariste, et c'est vrai qu'au tout début je galérais à trouver. On essaye de les taguer, histoires de droits en plus, donc ils ont pas de page Instagram à cause d'histoires de droits, du genre. Putain, c'est vraiment relou. Allez, on va dire un top 3, donc Batouchka en top 2. Canon Fiber, simplement parce qu'on a tourné aussi avec eux, et du coup c'est les copains, et donc du coup faut vraiment aller les voir. Ok. Et top 3 Moi je suis. Vas-y, dis les autres persos, on s'en fout. Les autres ils entendent pas. Je me souviens plus trop. Et ils t'ont volé tes affaires. C'est vrai, ils m'ont volé mes affaires. Je me souviens plus trop qui y a en plus, mais je sais que j'avais vraiment bien. Plus Temple. De toute façon. Ça va être j'ai fait 2 Hellfest en tant que festivalière, et là ça va être mon 3ème Hellfest cette fois en tant qu'artiste. Mes 2 précédents Hellfest, j'ai campé à la Temple. Carrément, t'arrives et tu poses ta tente justement. Tu campes à la Temple. C'est vraiment ma scène de prédilection. Apparemment, donc on a Cradle of Filth, Shining, Gold. Alors, c'est plus Gold maintenant. Satyricon, Empereur, c'est Satyricon, ça. Le vendredi, absolument incroyable. Alors, j'avoue, moi j'ai un gros crush aussi sur Eivor d'un point de vue pagan. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Pourquoi pas. Et un petit Canon and Fiber, non? Je l'ai dit, Canon and Fiber. Mais le Empereur Satyricon, j'aime vraiment la proposition Black and Roll de Satyricon. Ça va vraiment être sympa, ça. Skymer, Waterin. Why et Wow. Ah, mais il y a Tiamat aussi. Mais il y a Tiamat. Je découvre qu'il y a Tiamat. Mais mon Dieu. Ça, c'est parce que t'écoutes pas notre podcast. Bon, on les a pas encore eu, Tiamat. Mais sur le principe, oui, il y a Tiamat. Puis il y a les pensées de pensée nocturne. Les copains de pensée nocturne aussi. Énorme pensée nocturne. Mais oui, terrible. Énorme. Des très bons showman aussi. Grave. Mais par contre, tu vois, musicalement. Difficile d'accès. Moi, c'est ce que j'avais dit dans le podcast en mode bah, le matin, quand je me réveille, j'ai pas forcément envie d'écouter ça. Et bah, tu vois, je suis absolument pas d'accord. Je vais te donner un contre-exemple. C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Un contre-exemple de taré. Je vais prendre ma maman. Waouh, effectivement, oui, ça part très très loin. Contre-exemple de taré. Ma mère n'avait jamais écouté de black metal avant que j'en fasse. Et vraiment, elle écoutait même pas de rock. C'était vraiment quelque chose de. Elle écoutait pas spécialement de musique. Ouais. Par contre, en fait, elle s'intéresse énormément à ce que je fais. Et en s'intéressant énormément à ce que je fais, bah, elle écoute en fait elle écoute réellement maintenant beaucoup de black. OK. Premier degré, elle adore premier degré. Et à premier degré. Et Pensée Nocturne fait partie des groupes qu'elle écoute de fou. Mais en fait, je peux comprendre Pensée Nocturne, je suis au milieu d'un truc, mais imagine en vrai toi, okay, bon, black metal tout ça, est-ce qu'en vrai quand tu te lèves le matin, tu dis oh, je me mets très bien un petit Pensée Nocturne. Bah en vrai, c'est accessible Pensée Nocturne. Alors, c'est très accessible. Ouais, mais alors, peut-être plus maintenant qu'au début. Non mais oui, ouais, je parle des deux derniers albums. Non, parce qu'en fait, tu vois, nous quand on fait une chronique, en fait le concept de base c'est en fin d'émission, on tire au sort les groupes qu'on va devoir chroniquer la semaine d'après. Donc on refait tout l'historique du groupe, on fait une petite bio et on donne notre avis. Et en fait, moi je me souviens que ça m'avait je dis putain, mais ça va m'emmener sur des trucs hyper profonds, hyper sombres et d'une manière rare. Oui. Mais quand je me lève le matin, je dis, je peux pas écouter ça. Oui, d'accord. Mais attends, le paradoxe, c'est surtout que j'avais cet avis-là, et en fait, j'ai pas pu m'empêcher d'aller les voir. Et cette année, quand ils sont retombés, j'ai dit, je retourne les voir. Mais j'écoute pas trop. Pensée Nocturne ont énormément changé. Fait 20 ans qu'ils existent, peut-être. Bah, parce qu'au début, ils voulaient pas faire de live et tout. Ils ont énormément changé. Maintenant, c'est quelque chose qui, mine de rien, pendant toujours les grands moments, est hyper accessible, en fait. J'entends. Hein, je vois complètement ce que tu dis, surtout par rapport aux deux derniers albums. En restant sur les deux derniers. Donc, on part sur ce petit top 3-là. Ouais. Et jamais autre chose que la Temple. J'ai pas regardé, en fait, je t'avoue, j'ai même pas regardé, c'est en fait. Incroyable, je ressors mon téléphone. Aïe, aïe, aïe. Eh, tu sais que je serais pas toujours là avec une affiche. Hein. Alors, est-ce qu'on parle de main stage un petit peu ou pas ? Là, y a rien qui me botte en main stage dans ce que je vois. Ouais, je vois bien. J'essaie un petit peu d'écarter. Mais en fait, tu vois, j'ai jamais été en main stage. Alors, c'est les deux grandes scènes qui sont. Ouais, mais j'ai jamais. mes deux Hellfest, j'ai jamais été en main stage, c'est en vrai. Fait. Si, je suis allé voir Land. Enfin, Land aussi, c'était en. Non, c'était il y a deux ans, je sais même plus. Lamb of God ? Non, je suis allé voir. Le groupe japonais, merde. J'adore en plus. Maximum D'Hormone. Maximum D'Hormone. C'était pour l'édition de 2022. C'était incroyable. C'était fou. Je les attendais de mon adolescence. J'étais pareil. J'étais fou comme un fou. Ouais, c'était un truc de dingue. C'était trop bien. Mais en fait, c'est le genre de groupe où tu sais que tu vas pas être déçu. C'était un show. Tu vois, nous, on fait partie justement des gens qui sont pas forcément fans des main stage parce que le public de main stage, ils savent ce qu'ils vont voir. Et nous, on est en mode, faut vraiment qu'on ait envie d'aller voir le groupe pour aller se mélanger à tout ça. Quoi. Oui. Mais là, Maximum D'Hormone, c'était on y va. Quoi. Tu vois, allez, on y va parce que c'était obligé. Quoi. Ils ont fait un show. C'était un truc de fou. Écoute, on va pas t'accaparer beaucoup plus de temps. Merci à toi pour tout ce temps partagé avec nous. Et merci à vous. Ultra gentil à toi. Super sympa. Super bon. Écoute, ça fait plaisir. Tu vois, c'est plus ça l'idée. Quoi. C'est en mode un peu à l'arrache. Pas trop préparé, même si t'as révisé pour au final à part parler. Ça servait à rien. Non, mais c'est pas grave. Merci beaucoup à toi. On te laisse essayer de retrouver tes copains pour essayer de retrouver une image pas plus digne, mais. Si, un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Et puis, merci beaucoup. Puis, bonne fin de festival. Et puis, peut-être qu'on va se recroiser d'ici tout à l'heure. Ouais, carrément. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Ensuite, on a été, avant que Drenaille commence, On a été rapidement se sustenter. Enfin, on est sorti dehors, je ne sais plus pourquoi faire. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on peut déjà le dire avant la fin, c'est c'était pas pour aller faire du lancer de hache, parce que ça, on n'en a pas fait. C'était pas pour aller voir la cartomancie. Parce qu'on l'a pas fait non plus. Et ça... On a oublié d'en parler à Blaise en plus, il devait nous en toucher des mots. Donc ça, on a foiré complètement. Blaise, c'est la personne qui s'occupe des décors, si jamais vous l'aviez pas. Des magnifiques décors qui, chaque année, arrivent à sublimer cette scène. On a loupé ça. Il n'y a pas un autre truc qu'on a loupé. Les tatoueurs, on n'a pas vu la tatoueuse suisse. On l'a pas vu. Je sais même pas où elle était placée, elle, du coup. Je pense qu'elle était placée. Avec les artisans, je crois. Non peut-être. Pas sur le côté, tu sais, après les toilettes, les barrières. Là, il y avait quelqu'un, mais je sais pas si c'était elle. Non, c'était peut-être pas elle. Après, il y avait l'autre stand aussi, près des hot dogs, en face des hot dogs aussi. C'est pour ça. Après, on a été perdus. Mais bon, en tout cas, on n'a pas eu le temps de le faire parce que, mine de rien, en fait, c'est pas pour rien qu'ils ouvrent le village si tôt. En fait, on devrait vraiment arriver beaucoup plus tôt. Parce qu'ils savent que le temps passe vite. Et qu'on n'a pas le temps de tout faire Peu déçu de pas avoir fait les trucs, mais en même temps, pas trop, parce qu'on a quand même discuté un peu avec d'autres gens et tout ça. Et que, mine de rien, c'est bien de savoir que c'est là. Tu sais, c'est un peu comme au Hellfest, t'as tout plein de trucs, mais tu fais pas toujours tout. Et là, c'est là de se rendre compte que là, deux jours, ça passe, les concerts s'enchaînent. Et c'est donc au tour de Drenaille. Qu'est-ce que Drenaille, Tonaille ? Drenaille, le petit groupe qui reprenait l'univers de David Gemmell, là. Avec les histoires un peu fantasy héroïque, là. Le fameux fantasy héroïque. Compte un peu une histoire là. Une espèce un peu de groupe folk qui vient nous justement comme tu dis groupe de folk metal qui vient donc comme tu l'as t'as tout bien dit hein, David Gemmell ou Gemmell qui est donc et son fameux roman Légende et eux qui viennent nous raconter une histoire, un prélude, un truc, enfin tout un truc sur un univers avec avec au moins, si je dis pas de conneries, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 7 facile, 7 peut-être musiciens. Et qui sont, qui ont vraiment fait une bonne prestation. Ils avaient une bonne énergie, un truc de ouf. Moi, malheureusement, je suis pas du tout rentré dans le délire. Je suis resté complètement dehors. En fait, j'ai vu qu'il essayait de nous raconter une histoire. À chaque chanson, il essayait. Tu veux qu'on remette un peu. C'est quoi la ventilation, Bob ? Tourne les bitonios là. Là ? Là, voilà, tu tournes ça. Ouais. Tu mets à 22. 22. Voilà, les deux. Les deux. Voilà, les deux. Voilà. Et après, pareil, tu appuies sur. Non. En haut. En haut. Voilà, là. Plusieurs fois. Voilà, ok. Voilà, c'est bien. Après, tu peux appuyer sur. C'est bon. Oui, donc un bon concert de folk metal, mais malheureusement, je suis pas rentré dedans. À chaque chanson, il avait l'air de nous donner un peu plus d'informations sur l'histoire qui nous était contée. Mais moi, je suis resté en dehors. Il y arrivait, en fait. C'est soit tu rentrais dedans, soit tu rentrais pas dedans. C'est pour ça. C'est pas eux le problème, là. Là, ils sont arrivés, ils ont fait une proposition qui était bonjour. Non, ils étaient très bons. Et c'était tout marchait bien, le public réagissait bien. Moi, je suis pas rentré dedans. Moi, je les aurais plus vus, comme j'ai déjà dit... vraiment dans un contexte, tu sais, de village médiéval, tu vois, histoire qu'il y ait vraiment tout le décor qui va avec tout autour, en vrai. Ouais. Pour une meilleure immersion, moi, ça aurait plus marché. Ouais, tu les voyais plus en compteur qu'en... Ouais, carrément. Mais ce que t'as vu, ça t'a plu quand même ? Ça m'a pas déplu. Après, je suis pas rentré dedans, mais ça m'a pas déplu. Non, c'était plutôt sympa. Et vous, à l'arrière ? Nous à l'arrière, tu sais, on a un petit peu les rebuts de la société. Non, je parle. Qu'est-ce que vous avez pensé de Drenaille ? Ah, c'est pas ce qu'on ressent de nous-mêmes. Non. Alors Drenaille, pareil. Moi, je suis pas rentré dedans. J'ai vraiment eu du mal à me dire, j'apprécie le truc. J'ai bien compris le délire. Ouais, non, mais moi aussi complètement. Complètement. J'étais vraiment dans l'acceptation du truc, mais. Ouais. Pas dans la compréhension, tu vois, du truc. Donc non, je suis pas rentré dedans du tout. Ouais. Bien que musicalement, t'avais des petits moments, je voyais bien. Il y avait un petit côté théâtral un peu. Ah clairement, ouais. Il raconte Une, un peu voilà, comme une épopée, quoi. Histoire, il y avait une épopée. Enfin, je veux dire, voilà, on sentait qu'il y avait le truc. Ouais. Mais bah, bizarrement, non. Peut-être là, aussi la prise, ouais, comme tu dis, pas, bah, pas du début, quoi. Voilà, c'est on ça. On l'a pas pris au début, quoi. On l'a pris un petit peu en route et puis on est arrivé dans un mood complètement différent du leurre. Peut-être aussi. On n'est pas rentré dedans dès le départ. On sortait de hot dog et puis bim. Ouais, voilà, on avait un petit peu ce côté euphorique, sympathique de la journée qui nous venait. Et Drenaï ne nous est pas venu. Mais c'est vraiment pas parce qu'ils étaient mauvais, c'est nous qui étions. Non, ils étaient très bons, non, au contraire. Musicalement, moi j'ai trouvé ça très très bon. Même intéressant et tout, mais bah, de base c'est pas trop ma cam. Bah ouais. Et voilà, par contre, normalement, si je me trompe pas, c'est un peu plus la cam de Parsi. Et ben disons que moi j'ai eu du mal à me mettre dedans aussi. J'ai été vachement focus sur la photo. Ouais. Et comme il y avait beaucoup à prendre en photo parce qu'il y avait beaucoup de musiciens. Et eh ben c'est vrai que j'ai eu un peu de mal à me mettre dans la musique vraiment. Okay. Mais j'ai bien aimé, franchement, j'ai pas trouvé ça du tout désagréable. Je trouve qu'il faisait bien le job. Il y avait un bon échange. Le chanteur essayait vraiment de motiver la foule. Mais la foule répondait bien. Oui, la foule répondait bien. Donc, et donc peut-être que pour lui c'était un peu déstabilisant d'avoir les petites pépettes qui étaient devant. Il y avait plusieurs enfants qui étaient devant la scène. Alors ça bouge. Qui dansait devant. Alors bien sûr, ça ne bougeait pas du tout. En fait, c'est étonnant parce que c'est un des rares festivals où on quand même, il y a, je sais pas pourquoi, il y a une espèce de rang devant. Le premier rang, en fait, on peut quand même, en général, assez bien circuler où il n'y a pas trop de monde. Ouais. C'est comme une espèce de zone de sécurité. Et là, les enfants étaient, ils risquaient rien, quoi. Et il y avait une pépette qui dansait vraiment beaucoup et c'était très mignon. Mais du coup, tu vois, ça casse peut-être un peu le côté rang dedans du public, on va dire. Forcément, il y a une Peut-être. C'est bien, au moins ils ont respecté les petites, mais du coup, peut-être que ça a changé un peu la façon d'appréhender le concert, quoi. Ouais, peut-être. Mais c'était très sympa, par contre, à prendre en photo, je trouve. Il y avait matière, quoi. Il y avait plein de choses à prendre. Bah, en vrai, si tu regardes bien, si tu veux parler juste en termes de photos, toute la journée, il y avait des trucs potentiellement intéressants. Complètement, je suis d'accord. Et c'est vrai que c'était sympa. Une fois ce concert terminé, nous étions donc en VIP en train de discuter avec la chanteuse de Hull. On n'avait pas tout à fait. En fait, ça s'est goupillé un peu sur la fin du concert de Drenaï. Entre les deux concerts. Ouais. Et après, a commencé, on va dire, le gros concert de la soirée, celui. Le plus attendu pour beaucoup de personnes, le quel-être du jour, si on peut dire. Ouais. À savoir Hayward. Hayward, donc groupe dont on a donc de viking metal, de metal sous genre viking, on s'en fout, qu'on avait déjà un petit peu moyen apprécié lors de la chronique de Parsi. Dans l'épisode de Road to Hellfest, susnommé que je n'ai plus. Et donc bah là, ils venaient jouer, on allait enfin les voir en live ce que ça donnait. Est-ce que ça allait donner le change ou pas? Vous allez pouvoir commencer Bob et Parsi parce que vous avez vu en premier. Alors nous, on a vu en premier. Alors il y avait beaucoup plus de monde en fait. Le monde était là. On va dire que c'était plus compact. On pouvait moins facilement circuler dans le pit. Et en fait, moi, je me suis vite dit non, ça va pas le faire. C'est pas mon truc. Et voilà, mon avis, j'ai bien compris, j'ai bien saisi le truc en l'écoutant simplement. Ça m'a conforté dans mon premier avis. Et en fait, j'ai même été déçue. Je pensais vraiment qu'ils seraient en dessus de ce qu'ils ont fait en fait. Et en termes de voix, en termes de, je sais pas, le show en lui-même était franchement bof. Après, je suis pas restée très longtemps, faut être honnête. Je suis même pas restée le temps d'une chanson. Ah ouais? Ah ouais, non, vraiment, franchement. Mais je me suis vite dit, c'est bon, c'est pas pour moi, ça va pas le faire. Et je me suis surtout dit très vite que je pourrais pas faire de belles photos en fait. Okay. Parce que la lumière était très bleue. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Ouais. Et puis, bah, j'avais l'impression, tu vois, que je gênerais les gens de toute façon. Donc, comme c'est pas mon délire, je me suis dit, je préfère partir et laisser les gens apprécier leur concert. Et voilà, enfin, tu vois, une question un petit peu de respect aussi des gens. Okay. Et donc, bah, voilà, j'ai préféré partir parce que c'est pas du tout mon délire, quoi. Okay. Et toi, Bob ? Bob ? Donc là, on est sur Ewar. Ewar, ouais. Ewar, Ewar. Bah écoute, non, mais J'ai trouvé ça très drôle en fait. C'est que t'avais toute une espèce de d'entrée en scène, ouais. Avec les Vikings, enfin les Vikings, ceux qui étaient sur le clan Viking, le camp Viking. Bah, d'ailleurs, en fait, de la journée. Ça, je pense que ça a dû être arrangé dans la journée. Ouais, ouais. Parce que en fait, vous l'avez vu. Je me permets de te dire à ce moment-là parce que vous l'avez vu. Donc elle faisait l'intro avec ça. Ouais. Bah, elle a fait la fin du concert aussi avec ça. Ouais. Mais ce qui est marrant, c'est que quand nous on est arrivé dans. Quand le concert était commencé, qu'on est arrivé avec Tonai, on les a vus, ils étaient dans le public. On s'est dit, oh putain, il y a des mecs avec des armes dans le public. Donc c'était très bizarre. En fait, ils ont commencé comme ça en faisant une espèce d'entrée en chaîne avec ça. Ouais. Et j'ai trouvé ça assez drôle, c'est que derrière, t'avais 5 ou 6 personnes qui faisaient la même chose, mais avec une boîte de pizza. Ok, pas mal, d'accord, intéressant. Donc voilà, et j'ai trouvé ça plus intéressant. Ah, wow. Que le concert Ouais, bah l'entrée avec la boîte de pizza, ouais, j'ai trouvé ça plus cool. Ok, est-ce que tu voudrais en dire un peu plus Musicalement inintéressant. Ok. Scéniquement inintéressant. Ok. Donc il n'y a rien en fait, c'est du vide. Ok. Total. Ok. C'est une création. Purement et simple. Alors de ce que j'en ai vu, de ce que j'en ai entendu en plus, la nana a perdu son espèce de tambourin sur scène. Elle a meublé. Enfin, voilà. C'est, vraiment, c'est pour moi, c'est. Là, c'est pas clair ce que tu dis. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, comme tout est un peu factice, si j'ai bien compris, à un moment donné où elle a perdu son truc, ça s'est même pas arrêté en fait la musique. Voilà, c'est ça, donc, comme une espèce de playback en fait. Voilà, y a un truc. Mais donc, voilà, ou alors on a mal compris ce qu'on nous a dit pour le coup. Ça, on nous l'a répété, ouais, on l'a pas. Moi, je l'ai un petit peu compris comme ça, mais. Je l'ai compris, mais je pense que c'était un petit peu l'ambiance générale. Mais ne l'ayant pas vu, on va pas. Tu vois. Oui, non, mais on l'a pas vu, mais bon, on a bien compris ce qu'il en était. Mais voilà, pour moi, de ce que j'ai vu, bah, tout est factice en fait, quoi. C'est exactement. Ouais. Et voilà. Complètement tout ce que je n'aime pas dans la musique, en fait, c'est le côté pas sincère du truc. Le côté pré-monté, c'est, pour moi c'est un petit peu le préfabriqué du Viking, quoi. Et je suis un petit peu choqué de voir à quel point les gens suivent ce genre de truc. Mais voilà, ce n'est que mon avis. Donc Ewar, je déconseille totalement. Alors oui, alors, oui. Je vais venir appuyer ce que c'est tu dis. C'est pas un vrai show, quoi. C'est, non mais attends, c'est du plastique, quoi. Je vais venir appuyer ce que tu dis dans le sens où j'ai un peu ressenti la même chose en mode. Je suis pas en train de regarder un groupe, je suis en train de regarder un produit. Non, mais c'est ça. Je suis en train de regarder quelque chose qui ne sonne pas parce qu'à aucun moment je vois de la musique sur scène. On voit plus une espèce de représentation de quelque chose avec un petit peu une mise en avant d'un corps féminin. Bon, voilà. Et du coup, j'ai pas du tout aimé, mais je vais venir faire contrebalancer d'une certaine façon. Mine de rien, ça a fait venir beaucoup de monde et ça on va dire c'est le côté positif de la chose. Alors peut-être qu'effectivement il y aurait des groupes à trouver autres qui pourraient faire le même job et qui soient peut-être plus sincères dans la démarche, mais force est de constater que Ewar, au milieu des autres, en tout cas en termes de programmation, allait dans la progression de la soirée et peut-être avait une forme de place à trouver, en tout cas qui a trouvé son public, parce que les gens avaient l'air contents. Ils ont vendu je sais pas combien de merch derrière, ça a hyper bien marché. Et en vrai, de ce que nous on nous a appris derrière et de ce qu'on a pu voir, les gens ont l'air très gentils. Ça ne sauve pas le concert qu'on a vu ni ce qu'ils proposent musicalement. Mais voilà, moi, si on devait essayer d'y trouver un côté positif, c'est ça a fait du bien au festival en tout cas. Ouais, grave. Voilà. Donc après. Ça, chacun gère la manière dont c'est fait, mais on peut pas reconnaître que c'était forcément inutile. En tout cas, ça a fait venir plein de monde au graphe. Peut-être que justement, ça a fait venir des gens qui ont pu découvrir Hull, qui ont pu découvrir des Precise Witches, etc. Donc à partir de là, est-ce qu'il y a pas, est-ce que c'est pas une mise en avant ou une, soit une forme de tu fais venir un groupe qui permet de mettre d'autres groupes en avant, j'en sais rien. Oui, et puis si c'est des gens qui sont pas habitués à ce genre de festival-là, bah ils auront peut-être aussi une bonne image à véhiculer aussi du festival. Voilà. Après, le fait est que quand tu viens voir Ewar, et si tu aimes Ewar et si tu aimes voir ce que tu as vu, bon bah après tu peux aimer le spectacle, mais tu peux, enfin ça fait pas concert quoi. Après ça aurait été intéressant aussi de voir des gens qui connaissaient parce qu'ils ont comme nous un peu écouté voilà, la version studio et tout, et voir aussi ce que eux ils en ont pensé. Et ben justement je vais rebondir. Peut-être que des gens qui sont pas pas l'habitude, je sais pas, de ce genre de festival, mais qui voulaient venir voir parce que ça leur plaisait à l'écoute. Bah, de savoir un peu ce qu'ils en ont pensé en live. Ben, parce moi, que moi, j'attendais beaucoup du live et bah, c'est pareil, j'étais un petit peu déçu. Bon, et beaucoup aussi à cause du visuel aussi. Oui, oui. Bah, moi, je sais que c'est un peu. J'espérais qu'il se passe un petit quelque chose. En fait, il s'est passé quelque chose. Elle est, comme je l'avais dit lors de la chronique, elle est capable de faire réagir la foule parce que la foule est très cliente et ça marche super bien de ce côté-là. Mais malheureusement, voilà, ça n'a pas pris. Ça ne suffit pas, quoi. Mais moi, je me permets de rebondir parce qu'en fait, justement, Fabienne, qui concrète des vêtements, en fait, elle est très fan de Ewar. Et en fait, elle-même, elle a été déçue du fait qu'ils n'utilisent pas de vrais instruments, tu vois. Elle ne le savait pas, tu vois. Et franchement, elle m'a dit, bah, franchement, ventre mou parce que, du coup, il n'y avait pas d'instruments et je suis carrément déçue. Donc, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont écouté, mais qui n'ont pas forcément conscience Oui, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui ont forcément été déçus. Il y en avait beaucoup qui ont aimé. En fait, si tu regardes bien, on a dû croiser, on va dire, peut-être plus de musiciens déçus et qui n'apprécient pas, et plus de non-musiciens qui apprécient, si on devait faire un bilan avec les gens avec qui on a discuté. Ouais, si tu regardes bien, c'est les musiciens qui n'ont pas aimé. Et les non-musiciens qui ont aimé. Mais tu vois, par exemple, Fabienne, elle n'est pas musicienne et forcément, elle m'a dit. Oui, mais elle a été déçue, mais est-ce qu'elle n'a pas aimé ? Elle a été déçue. Ah, elle a pas été dire qu'elle avait aimé, du coup. Bah, ouais. Et puis, Qu'elle ne s'attendait pas à ça, en fait. Ouais, mais en tout cas, une chose est sûre au moins, c'est que ça nous aura permis. Bah, mais après, ça fait venir beaucoup de monde, ça reste positif au final. Donc, Mais toi, Tonaï, tu as été donc déçue et donc tu n'as pas apprécié non plus le concert ? Non. Non, j'ai pas trop apprécié. Bob a dit la plupart des choses que je pensais un peu quand même. Et c'est vrai que je trouve ça dommage en plus parce que je trouve qu'il manque pas grand chose. Parce que c'est facile ce qui manque en fait. C'est juste de la sincérité au final. Des instruments, je veux dire, tu peux faire semblant et que ça passe quand même. Je suis d'accord avec le côté sincère, c'est important, ça donne vachement de choses. Mais je veux dire, vu qu'ils ont joué sur le visuel. Va plus loin dans ces cas-là, mets des gros instruments qui envoient et qui mettent de l'impact. Parce que visuellement, t'as une femme, un mec en armure, et les instruments, ça perd tout son cachet en fait. Il n'y a pas de puissance, tout ça. Alors que quand tu l'écoutes à l'écoute, il y a quand même un côté qui ressort, tu vois. Il y a une espèce d'énergie, une puissance, machin. Et visuellement, en live, je m'attendais à au moins à voir ça, et même pas. Après, quand on parle de sincérité, on parle aussi forcément de ressenti. On ne dit pas que sont pas forcément sincères. On peut partir d'une. Tu peux mentir, mais le faire bien et ça passe. Mais non, là. Je me dis pas que ces gens ils y croient pas un petit peu. C'est plus qu'ils ont, à mon avis, pris un petit biais de côté en disant oh, on pourrait faire tout un truc un peu comme ça qui marcherait. Et c'est là où ça manque peut-être un peu d'âme. Mais ça n'est que notre ressenti à nous. Le public était présent ce soir, lui a kiffé. Ça a plu au public. On a parlé avec des gens qui ont aimé. Je parle même pour ceux qui les gens, on va dire qu'on, enfin parce qu'on a, on en a dit, on l'a dit que c'était un groupe qui était un peu populaire par rapport aux autres. C'est une valeur montante quoi. Les gens, il y en a, et c'est en train de grimper. On nous a même dit que dans beaucoup de festivals où ils étaient programmés, ça faisait sold out grâce à eux. Donc ça marche, ça marche. Oui, et c'est là où je rejoins un peu Bob, où je dis putain, c'est triste quoi, parce que putain, ce qu'ils proposent visuellement, il y a des beaux déguisements, là ok, mais à part ça, il y a moyen quand même de proposer un petit peu plus quand même. Déjà que musicalement, c'est pas ultra travaillé, visuellement, on peut aller un peu plus loin, je pense. Voilà. C'est malheureusement le problème, mais c'est aussi souvent ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les gens. Je vais pas dire veulent quelque chose facilement, mais on se, tu vois, c'est quelque chose. oui, ou eh ben, ils sont venus voir ça. Alors moi je vais faire le mec éternel optimiste. Les mecs ils sont venus pour voir Ewar et puis ils ont découvert Hull ou alors Depressive Witches et ils repartent avec deux grosses découvertes, tu vois. Ça, c'est clair et net que le côté positif, c'est pour le Graal des Pleins, ça a vachement bien marché pour le Graal des Pleins et ça c'est cool. Voilà, c'est cool. Donc fin du concert d'Ewar, énormément de monde au merch. Après photos, machin, gros, vraiment beaucoup de public. Et mise en place du dernier groupe. Bon, alors là, on attend un petit peu, on se demande. Silhouette, on nous avait dit comme quoi, bon, Silhouette, ça pouvait être un peu décevant. On nous avait dit, on avait un petit peu peur. Alors, moi, je vous le dis, moi, début du concert, Silhouette démarre. Alors, on était reparti à la voiture ou pas, je me souviens plus. Ouais, on est reparti entre deux, ouais, je crois. Ouais. Et je crois que Bob s'est endormi. Oui. Ouais, non, entre les deux. Ok. Donc, Silhouette. C'est lui qui nous disait je peux conduire. Donc, Silhouette, moi, début du concert, je me dis oh la vache, j'ai trouvé. Alors, je trouve ça un peu calme, un peu plat. Je me dis putain, si ça va être ça pendant une heure, ça va pas le faire. Donc, vraiment, je suis en mode waouh. Et puis, en plus, comme j'avais. Alors, mine de rien, on a beau juste m'avoir dit oui, c'était pas. Il y avait un petit peu des a priori. Donc, j'étais en mode oh, ça va pas être terrible. Et puis, le concert monte, dure. Ça monte, l'ambiance se crée, il y a un vrai truc qui monte, l'association de ce black metal avec deux chants, un chant hurlé et un chant féminin clair qui se marie super bien. Il y a quelque chose, il y a un truc planant qui se met en place et pan, ça s'arrête au bout de 10 minutes et c'est déjà la fin du concert alors qu'en fait non, ça fait déjà une heure. Et là t'es frustré, t'es dégoûté, tu dis mais putain, c'est déjà terminé. C'était un truc de malade de ce côté-là et vraiment on n'avait pas envie que ça s'arrête. Vraiment, on l'a pas vu venir cette non. Fin, quoi. Moi, je me rappelle, j'étais à côté de Seb, il se retourne, la lumière change, nouvelle lumière, parce qu'on n'avait pas eu le rouge pendant le... Tu vois, et là, on fait, ah, allez, ça vient, et puis paf, vous allez où, là? Quoi? Non. Surtout qu'ils avaient laissé la musique tourner, moi, je m'étais dit, ah, ben, j'allais faire photos sur le côté, et en fait, non. Ben, c'était là, fini. Ouais, par contre, ne faites pas ça la prochaine fois, s'il vous plaît. Hein. Non, c'était vachement bien. Et j'avais un peu peur que ça soit justement trop mou tout le temps. Et en fait, non, ça a été un début, une montée tranquille et pour arriver à un truc vraiment super. Ouais, non, le combo des deux voix, super. Vraiment top. Ouais, et toi, Parsi ? Eh ben moi, j'ai vraiment adoré Silhouette. Franchement, je dirais que ouais, j'ai pris une grosse claque avec Silhouette. Et moi, j'ai trouvé que ça avait passé très, très vite aussi. Ouais. Et j'étais très déçue, en fait, parce que j'ai cru qu'ils allaient revenir. Bah, tout le monde, et hein, non. Je pense. Et franchement, en fait, alors, c'était décevant. Pour vous donner une idée, ils avaient laissé un son ambiant. Ils sont partis, la guitare posée par terre. Et on se dit, bon, ils vont revenir. Et ils reviennent. Pour éteindre le son. Oui, et c'est voilà, tout. Voilà, c'est ça. Mais c'était. Mais t'as pas fait ton énorme. Rappel. Ouais, non, c'était bien. Une atmosphère vraiment prenante et très intéressante et qui finissait bien la soirée, je trouve. Ça m'a fait penser un peu à Amen Ra, le chanteur. Ouais. La voix hurlée du chanteur. Je suis d'accord. Complètement. Ouais, j'avoue. On n'était pas sur la même torture, je dirais. Non, mais il y a le cri petit côté, hurlé, ouais. Il ressemblait un peu quand même. Bah, dans le sens cri. L'ambiance n'était pas aussi. Je sais pas comment dire. Je dirais violente pour le coup. Ouais, aussi violente. Girlie. Non, c'est sûr. Pardon ? Girlie. Ouais. Non, girlie, aussi, ouais. Violente. Et du coup, toi, Bob, qu'est-ce que t'en as pensé ? J'ai moins suivi. Silhouette. Ouais, j'ai moins suivi Silhouette, mais de ce que j'en ai entendu, très très bien. Bonne atmosphère, bonne ambiance. Non, très très bien. Non, rappelle-toi, t'as beaucoup aimé, t'as dit que c'était comme Solstafia. Ouais, non mais j'ai moins suivi parce que ils m'ont fait le même effet que sur le Saphir en fait. Ah oui, mais parce que oui, non mais là t'avais pas, parce que ça sonnait pas positif de la manière. Non mais je l'ai dit au groupe, ça ils savent, y a pas de souci. Ils ont conscience de ce que j'ai ressenti et je pense qu'à mon avis ils s'en cognent. Donc voilà. Pour dire, voilà. On en est à ce moment-là, d'accord. Ouais, j'ai trouvé ça très agréable. Ouais. Voilà, musicalement, j'ai trouvé ça très bien. Ça a bien fini la soirée. Ça a très très bien cool. Fini la soirée. Et on l'a pas dit d'ailleurs, mais c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de monde de reparti, mais il en restait encore mais assez. Ouais, il y avait encore les vrais, les trous. Les trous. C'était nous les trous. Et du coup, non, très bien. Bah ouais, bah après voilà, ça a fait le même effet que Sol Staphir, c'est-à-dire que je me suis légèrement pas endormi, mais flottement. J'ai eu un moment de flottement debout, ouais. Voilà, où je pouvais réussir à ne pas gérer mon corps ni mon esprit. Et je me suis réveillé un coup et j'ai fait oh, bah mais tu en vois, fait c'était vachement bien. Ouais. Voilà, tout simplement. Et c'est donc comme ça que s'est terminée cette édition 2024 du Grave Zeppelin, cette cinquième édition. Après, on a un peu discuté, on a été manger un peu en cuisine, on a été se faire payer un coup dans la fameuse tente VIP. On a appris plein de choses qu'on ne doit pas vous dire parce qu'on nous a dit quand même assez régulièrement « Vous enregistrez pas là, vous enregistrez pas !» Donc bien sûr, tout ce qu'on nous a dit, on le gardera pour nous. C'est le concept. Mais c'était super. Qu'est-ce qu'on peut dire du coup au final ? C'était quand même une putain de bonne édition. Exactement. On a quand même passé un bon moment. Et on va peut-être pouvoir aller lui demander son avis, lui, au final, qui était venu pour justement pour découvrir le graphe et ce qu'il en a pensé. Vous avez qu'est-ce que vous diriez encore de cette édition ? Excellente. Et vraiment, c'est le petit festival qui monte. Et voilà, j'espère que... Il y a encore quelque chose qu'on a vachement entendu, c'est leur accueil. Les groupes. Ils ont vachement encore appuyé là-dessus. C'est ce qui va faire aussi la force du festival. Ouais, de voir qu'ils sont hyper bien accueillis. Les groupes sont bien accueillis. On mange bien, avec tout. Respect, donc non, vraiment. Et bienveillance. Et du coup, c'est ce qu'on peut retirer du grave, quoi. C'est ce respect, cette bienveillance. Et là, si on devait faire un petit comparo, justement, Heywar, on disait que ça sentait le faux. Mais le graphe, quand tu vois Thomas et la manière. C'est l'opposé. Mais c'est l'opposé, ça sent le vrai. C'est authentique. C'est sincère. On a hâte de voir justement ce qu'ils proposeront l'année prochaine. Et je ne peux pas ouvrir ma porte. Ah, c'est bon, je peux ouvrir ma porte. Dire quand même que Heywar avait été très. Très proche du festival. On l'avait dit. C'est bien. Tu vois qu'il y a vraiment de ce côté-là, c'est des gens bien et tout ça, quoi. Alors tu remets peut-être le frein à main, non ? Je l'ai mis. Il est en rouge. Parfait, très bien. Alors moi j'ai rien à moi là devant. Alors non. Ça c'est pas à moi. Ah, ça c'est à moi. Ah, ça c'est à moi. Et il est où le Seb alors ? Je vais reprendre mon sac. Hop. Alors, on est arrivé. Dis donc, il est passé vite surtout, hein. Ouais, grave. Est-ce que j'ai un sac dehors ? Est-ce que t'as un sac dehors ? Bah, c'est vrai qu'il est passé vite ce retour. Mais il est là, Seb, ou pas alors ? Il est là. Il est où ? Il est où, Seb ? Il est là. Ah, on a fait notre petit report. Est-ce que toi, tu veux bien revenir nécessaire un petit d'investiguer peu ce descendage de véhicule ? Bah, tiens, donne-moi le micro. Je ne sais pas. Donne-moi le micro. Apparemment, le chef me demande de donner le micro. Demande-moi des micros. Parce que je monopolise un petit peu. Non, mais c'est pour demander à Seb, comme il est déjà un peu tard et tout. Bonsoir, Seb, tenez un micro. Alors. Bonsoir, monsieur Jacques. Bonsoir. On a discuté un petit peu, nous, on a fait un peu nos avis. Donc, c'est vrai qu'on a. En plus, on s'est perdu un peu à un moment de la soirée. On s'en excuse. On n'a pas eu ton avis sur Houle. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi ? Houle, très grosse performance. Ouais. J'ai pris la vague dans la tronche. Normal. Non, vraiment, pour moi, le meilleur groupe de la soirée. Ah ouais, ok, d'accord. Bah, ça se. Et là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Qui serait un immanquable si j'allais au Hellfest cette année. C'est vrai, tu serais retourné les voir ? Oui, grave. Ça, c'est à moi, ça. et voilà. Et après Houle, Drenaï. Qu'est-ce que t'as pensé de Drenaï ? Drenaï, j'ai pas réussi à me mettre dedans. Et bien putain, on a tous dit la même chose. Je sais pas ce qui clochait pour moi, mais je n'ai pas tenté de me mettre dans Drenaï. Et bien nous, on est tous rentrés dedans. Ah ben. Tous dans Drenaï. Grand bien vous fasse. Il y a des trucs à Bob dans la glacière. Il y a mon rein. Mais bon, il faisait, comme nous, c'est ce qu'on a dit, ils faisaient bien le taf, mais dur oui, de rentrer dedans. C'est ça. Pas pourquoi on est resté en dehors. Et donc après, on a eu Heywar. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de Heywar ? Moi, à écouter, ça me gêne pas. Après, je ne paierai pas une place de concert pour aller les voir. Oui, mais là, comme parce qu'il n'y a rien à voir. Ouais, c'est ce qu'on a un peu dit, malheureusement. Voilà. Ouais, c'est un peu ça aussi. Aucun intérêt ? Pas plus que ça, non. Ok. D'accord. Pas plus... Je suis pas déçu, mais je suis pas vraiment d'avis en fait. Nous, on était plus en mode en train de dire que ça sentait faux, qu'il y avait pas le côté groupe, côté. Oui, enfin, Le problème, c'est qu'il n'y a même pas un instrument. Quoi. C'est ça. C'est ça. Et donc, ça s'est terminé par Silhouette. Très bien, Silhouette. Ouais. Ça s'est arrêté brutalement. On a dit la même chose. Voilà. On a vraiment dit les mêmes choses. Ça, c'est malheureusement. Mais tu as quand même bien kiffé. Oui. Une bonne. Très bon festival. Ah, je vous remercie de l'avoir conseillé. Ah. Est-ce qu'on t'a menti ? Non. C'était vraiment top. Bonne ambiance. Vraiment. Et donc, justement, comme on disait, Seb a pu nous accompagner derrière pour voir comment ça se passait, la fameuse stand VIP. Donc, tu as pu voir. C'est sympa aussi. Cool. C'est sympa aussi. Oui. Hein. Ouais, c'est cool. Ouais. Et puis en plus, comme on l'a dit mais sans le dire, on nous a beaucoup dit de ne pas dire de trucs. C'est ça, on les a petits secrets. Voilà, plein de petits secrets. En tout cas, nous, on était très contents que tu sois là. Hein, j'étais content de vous revoir aussi. Bah, ça nous fait très plaisir, à défaut de te voir au Hellfest, au moins ça nous fait plaisir. Et surtout, que tu ne sois pas déçu, qu'on n'ait pas survendu un truc en disant « Venez au Graff, c'est vachement bien ». Tu pourras promouvoir notre bonne parole en disant « Le Graff, c'est vachement bien ». Tout à fait. Et puis comme tu as vu, il y a un côté sincère chez les gars, les mecs sont... Oui, c'est ça. Ils font ça parce qu'ils aiment ça. C'est voilà. Pas, ils font pas ça pour... Autre chose. Pour l'argent. Par exemple. Voilà. Bon, après, il y a un petit vrai... prendre. Oui, mais ils le font pour leur plaisir. Quoi. Je vois bien que le soudoyage est vraiment minime. Hein. Ouais, minime. Ouais, ouais, minime. Ouais. Bon, voilà, je pense que c'est à peu près tout ce qu'on va pouvoir dire pour ce report. On va s'arrêter là parce qu'il est déjà tard. Et puis... en plus, on a bientôt une émission à refaire et tout ça. C'est vrai. Donc bon, sur ce, bah, on vous aime. Et bah, on vous emmerde. À la semaine prochaine. Des bisous. Des bisous. Des bisous. À bientôt. Au revoir, les gens. Merci.